Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Le plan d'aujourd'hui a assemblé un truc. C'est Méclis qui viendra le vendre visite pour l'autre de ses fameuses chroniques. Et on dira déjà au revoir à notre ami Alexander Brett et sa chronique d'actualité internationale Le Monde ce matin. Assemblage Rookie commence tout de suite. Assemblage Rookie pour toi aujourd'hui. Assemblage Rookie pour toi aujourd'hui. En ce lundi 11 décembre 2017, on est à 137 jours de la fin de l'année scolaire, mais en même temps, à moins de 7 jours de la fin de la session automnale. Exactement. Et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. On est avec vous encore pour quelques jours, évidemment. Oui. Parce que, bon, comme Mathieu vient de le dire, on est à 7 jours de la fin de la session. Uh-huh. Alors, automatiquement, nous aussi, nous allons tomber en vacances. À quel moment? À quel moment? Ça reste à déterminer encore. On vous tiendra au courant. Mais c'est sûr que nous aussi, on va avoir le droit à certaines petites vacances. Espérons-le. Espérons-le, oui. On ne sait pas quand on termine. C'est bien la première fois que j'entends ça dans un métier. Mais non, mais on va le savoir. Oui, OK. Exactement. Si, bien. C'est ça. Parlons de l'émission d'aujourd'hui. Oui. Avant ça. On va avoir Xavier Méclis à 9h pour sa chronique de niaiserie. Hein, comme toujours. Mm-hmm. On sait qu'on n'aura plus Alpha Alpha le lutin. Non, c'est vrai. C'est terminé, ça. C'est terminé. Retourner dans le Nord. Exactement. Pas le choix, hein. Non. À quelques jours de Noël, faut que ça soit productif. Lui, il sait c'est quand. C'est ça, exactement. À 8h, Alexander Brett et la chronique de Nouvelles internationales Le Monde ce matin. Alors qu'on va avoir le droit de savoir ce qui se passe ailleurs dans le monde. On ratisse assez large dans cette chronique-là, donc ça, ce sera à 8h. Ta chronique s'en vient plus tard, Tania Zgodet-Tchétchénia. La semaine dernière, on a discuté un petit peu de comment se tenir dans un party de bureau. Oui. Et vous savez, souvent, le temps des fêtes, c'est synonyme d'alcool. Alors aujourd'hui, tout ce que je vais vous dire pour le moment, c'est alcool, pas alcool. Ah, c'est comme un quiz, hein? C'est comme alcool, un questionnement. Vous avez le temps de vous faire une idée d'ici ma chronique. Super, ça s'en vient plus tard dans l'émission. Et plein d'autres trucs que maison, bien sûr. Mais on débute avec, comme on le fait toujours les lundis, quelques nouvelles entrées. Hein? Du côté francophone, voici les messieurs. Les petits messieurs. Les petits messieurs. Avec moi, je le sais-tu? Quand est-ce que t'as vraiment? Je le sais-tu? C'est pas important, ça fait. We'll be right back. je le sais-tu? C'est le nom de la chanson. Moi, je le sais-tu. Elle le sait-tu? Je sais pas. Maintenant, ce que je sais, par contre, c'est qu'on va établir des listes dans son foutu palmarès. C'est la chronique comptable, une liste sur un sujet plus ou moins précis. Et aujourd'hui, on parle des fêtes. Mm-hmm. Et je crois que ça donne bien. Je vois pas au travers de l'écran, mais je vois du rouge et du vert dans ton habillement. Est-ce que ouais. j'ai raison? Oui. Ouais, c'est foulard. Ouais, exactement. Est-ce que c'est ton foulard de Noël? Non, pas vraiment. Non? Ça donne comme ça. Oui, c'est ça. Alors, on va parler de dépenses des fêtes aujourd'hui. Oui, ça parce que cher. Dieu sait à quel point on en fait. Et que oui, donc c'est des dépenses inattendues et comment les éviter pendant les fêtes. Achetez rien, c'est ça. Évitez ça. Bref, un petit peu de planification, hein, ça peut vous aider à étirer votre budget pendant les fêtes. Donc, quelques dépenses inattendues et comment les éviter. Commençons avec les cadeaux additionnels. Uh-huh. C'est facile de se rappeler des cadeaux des gens qui sont proches de nous, hein, les parents, les sœurs, frères, etc., etc. Mais des fois, il faut qu'on achète des cadeaux supplémentaires, que ce soit l'échange de cadeaux au bureau, mm-hmm. ou quand ta tante t'a acheté un cadeau, là, tu te sens comme obligé d'y en faire un toi aussi. Hein? Sinon, tu peux être invité à des parties des fêtes et tu te sens obligé d'amener un cadeau pour l'hôtesse ou l'hôte. Donc, c'est des... évidemment, des choses à retenir. Tout ça n'est pas complètement inattendu, mais ça peut sérieusement finir par s'additionner, des cadeaux additionnels comme ça. Donc, pour éviter que ces dépenses vous prennent par surprise, vous devriez avoir une petite zone tampon dans votre budget, hein, à l'avance. Mm-hmm. Un petit tampon. Monétaire, oui. C'est ça. Tu peux aussi baisser les attentes de tes amis et ta famille en leur disant que t'as pas beaucoup d'argent. Mm-hmm. Hein, c'est sûr. Quelque chose de pas trop extravagant de leur part, ben tu vas pouvoir leur donner quelque chose de pas trop extravagant de ton bar aussi. Ensuite, les coûts de shipping, les frais d'envoi. Oui. C'est coûte cher ça aussi des fois, quand tu commandes à certains endroits qui, évidemment, pendant les fêtes, ont peut-être moins de shipping gratuit qu'à l'habitude. Et si tu planifies pas trop à l'avance, ben tu vas faire prendre par ça quand tu vas avoir besoin de faire livrer plus rapidement, parce que plus le temps avance... plus il faut que tu payes cher de shipping pour que ça arrive dans les temps avant Noël. Ben oui, c'est vrai. Ah, ah, ah. Bref, donc pour éviter ces dépenses-là, vous devriez commencer. Évidemment, le conseil est très facile. Vous devriez déjà avoir acheté vos cadeaux. Oui, hein? Exactement. C'est ça que ça veut dire. Non. Pensez-y, là. Vous avez encore du temps, on est juste le 11. Hein? Mais là, Mathieu... je me dis ça pour me convaincre. Oui, c'est ça, exactement. Je suis le 11. Surtout que toi, tu achètes en ligne. Oui, souvent. Mais pas toujours. Non. Pas toujours, ça arrive. Ouais. Bref, achetez vos cadeaux à l'avance, bien avant le rush, et donnez-vous du temps, en général. Mm-hmm. Ensuite, les habillements, les vêtements des fêtes. On aime ça, s'habiller ben oui. en couleur... Moi, j'haïs ça. T'haïs ça? Je suis pas capable. Ben j'aime ben. Pas ça, les gros ugly sweaters. Ah, oh, ouais. C'est ça piquant. Non? Oui, il y en a qui piquent. Ouais. Je pense que ça dépend de la qualité de ton ugly sweater, ça. En fait. Mais en même temps, tu l'achètes, tu pourras pas l'essayer tout le temps pendant très très longtemps. Là. Non, c'est vrai. T'es pas pour le garder sur ton dos pendant tout ton magasinage. Non, c'est sûr. En tout cas. Mais bouge dedans, tu sais, dans la cabine. Bouge, ben oui, c'est sûr. Bref, t'as peut-être été invité à un party où ça demande un habillement spécial, ça mm-hmm. peut arriver. Bon, t'as été invité à un ugly sweater party, on vient de le dire. Et ça va devoir être acheté, ces vêtements-là. Ben oui. À moins que tu prennes tout le temps le même à chaque année. Pas le choix. Mais même là, tu l'as déjà acheté. Ouais. Fait qu'il a fallu que tu le budgetes à quelque part, hein? Bref, pas tout le temps obligé d'aller acheter quelque chose de vraiment cher. On peut aller dans les magasins des friperies pour trouver des ugly sweaters. Ça se fait très bien. Magasins usagés. Hein? Quelque chose de pas trop cher et ça va vraiment pas défaire votre budget. Surtout pour une occasion unique. Tu sais, quand c'est juste pour un party ouais. dans l'année. Mais en même temps, tu le gardes pour les années suivantes. Donc, tout le monde ben gagne. Oui. Les emballages cadeaux. Et les cartes. Des fois, tu focuses tellement sur le cadeau que tu oublies. D'acheter quelque chose pour l'emballer. Mm-hmm. Hein? Donc, à la place d'acheter du papier d'emballage super cher et une carte spécialisée, vous pouvez les faire vous-même avec des vieux journaux. Hein? Si vous voulez tâcher les doigts des gens. Disons qu'en plus, ça sert à ça. Hein? Oh. Pour envelopper votre cadeau de façon créative ou sinon réutiliser un vieux sac cadeau que vous avez reçu de quelqu'un d'autre, ça, je pense que c'est la méthode. Ben oui, je pense que c'est. Fun. Ouais, c'est ça. Ça paraît pas, ça. Allez, pour la carte, ben, Colin, trouvez-vous une feuille de papier puis écrivez quelque chose à la main dessus. Hein? Dit-on, de la ça fait? Je sais pas. Pas sûr, celui-là. Économisez sur les extras, bref. Ensuite, les frais de bagages. Pour ceux qui voyagent pendant les fêtes, il y en a des gens qui voyagent pendant les fêtes pour rendre visite à leur famille en Floride ou peu importe. Hein, ça se peut. Mm-hmm. Ça se peut. Donc, si vous voyagez avec tous vos cadeaux, ça pourrait ajouter pas mal de poids à vos bagages. Pour éviter cette dépense-là, ben, vous pouvez essayer de trouver une ligne aérienne qui n'a pas de frais de bagages, ou au moins peut-être sur le premier sac. Et si vous pensez que vos cadeaux peuvent ajouter beaucoup de poids, vous pourriez les envoyer par la poste. Ça pourrait être moins cher. Ah ben oui, clairement. Les bagages par avion. C'est vrai. Quand même, de bonnes façons d'économiser un petit peu d'argent, hein, grâce à Mental Floss. On reste dans le même domaine. Comment timer, synchroniser vos achats des fêtes pour avoir le plus d'économies? Mmh. Ah ben oui, on peut rien laisser la à la chance. Exactement. Donc le timing est très important pendant la saison des fêtes. Donc voici comment en profiter le plus. Pour commencer, on dit que les vêtements valent peut-être pas toujours la peine. Ah, OK. Hmm. Les vêtements, c'est difficile. On nous dit, par exemple, que tu pourrais pas trouver des rabais sur des manteaux d'hiver aussi proches des fêtes. Mm-hmm. Hein? Donc, les magasins ont tendance à couper les prix des articles qui sont dépassés ou qui vont être seulement achetés dans le futur. Ouais. Ils ont des rabais maintenant, comme dans les trucs d'été. Hein? Bref, un nouveau manteau d'hiver pourrait être quand même quelque chose qu'on pourrait acheter en février pour l'année suivante. Je ferais jamais ça. Acheter aussi à l'avance. C'est parce que c'est assez difficile. Je trouve que c'est beaucoup trop difficile pour moi. Ouais. Ça. Bref. Mais ça nous dit quand même qu'on pourrait profiter de nos cartes cadeaux, mettons, pour acheter des manteaux d'hiver en février pour nous-mêmes. Ça pourrait être. Ensuite, on dit que les souliers et les jeans seraient moins chers l'automne. Ah, OK. Donc, dans le cas des souliers, les magasins vont souvent les faire sortir le plus rapidement possible pour pouvoir amener les bottes d'hiver. Mais bon, donc il est de toute façon trop tard pour ça. On dit que c'est le moment pour acheter des produits électroniques. Ah! Ouais. Donc, si tu veux acheter une télé ou une console de jeux vidéo, entre le Black Friday et Noël, on dit que c'est un bon moment pour acheter ce que tu veux. C'est OK. Ça? Ouais. Ouais. Après le Black Friday, après le Cyber Monday. Ouais. On parle aussi sinon de deals comme dans acheter un jeu vidéo et en avoir un gratuit, des rabais sur des télés, sur des consoles de jeux vidéo. Jusqu'à la fin de la saison de football professionnel se termine quand? Est-ce que c'est déjà terminé? Non, février, c'est pas terminé. C'est février, si je me souviens bien. Ça semblait aussi. Avec le Super Bowl. Donc, on nous conseille d'acheter ça jusqu'à la fin de la saison de football professionnel. On dit ensuite de magasiner juste avant Noël. Ah? Les derniers jours avant Noël, c'est une bonne place pour magasiner. Plusieurs magasins ont de très, très bonnes offres parce qu'ils doivent sortir leurs affaires avant la fin des fêtes. Mm-hmm. Tu me déconcentres pas du tout. Ben, je m'excuse. Non, raconte-nous ton œil. Qu'est-ce qu'il y a ton œil? Ben, j'ai quelque chose dans l'œil depuis tantôt. OK, OK. Parce que je la vois zigonner après son œil. Mais là, c'est parce que ça fait mal. J'imagine, je t'aiderais bien, mais je suis trop loin. Ça va. Bref, il y a un risque, hein, c'est que ces ventes-là sont pas toujours au même moment ou au même endroit. Donc, non, vous pourriez devoir chercher un petit peu. La meilleure stratégie, donc, ce serait d'y aller juste avant Noël. Mm-hmm. C'est pas mal ça que ça dit. Et t'acheter peut-être un cadeau pour toi aussi, en plus. Ben non, en temps normal, Mathieu, à Noël, t'achètes rien pour toi. Hey, tu peux te récompenser d'une difficile année. Ensuite, profiter du shipping gratuit. Oui. On avait une journée spécifique, en fait, et on n'est pas encore passé devant cette date-là. Ça s'en vient, c'est le 15 décembre. C'est la journée Free Shipping Day, un événement promotionnel qui a débuté en 2007 et qui donne aux gens un code, un coupon donc pour avoir un shipping gratuit et d'autres offres de magasins participants. Certains sites ont du shipping complètement gratuit alors que d'autres vont offrir ça sur une commande au-dessus d'un certain montant. Mais quand même, ça pourrait être une très bonne façon d'économiser juste avant Noël. Donc le Free Shipping Day cette année a lieu le 15 décembre. On parle de vendredi cette semaine. C'est juste avant les fêtes. Mmh. C'est pas mal le moment pour ça. Mmh. Ensuite, on nous parle du Green Monday. Est-ce que tu connais un petit peu le Green Monday? Green Monday. Ouais. Ça me dit quelque chose, ça. Je pense qu'on en avait déjà un petit peu parlé l'année dernière. C'est très possible. Tout le monde connaît le Black Friday, le Cyber Monday. Mais on dit que le Green Monday est déjà une des journées de magasinage les plus populaires de l'année. Malgré le fait que c'est une nouvelle tradition, ça se passe le deuxième lundi de décembre. Fait que c'est pas mal aujourd'hui. Oui, parce que le 4 était le premier et là, exactement, on est le 11. Donc, c'est aujourd'hui un événement qui a beaucoup de grosses ventes dans les plus grandes chaînes. Et puis c'est ça, c'est pas mal aujourd'hui, le 11 décembre. C'est fait pour augmenter encore plus le nombre d'achats plus loin dans le mois de décembre. Et ça fonctionne très bien. On dit qu'en 2016, les magasins ont fait 1621 milliards de dollars en ventes lors du Green Monday. OK, quand même. La plupart des chaînes se préparent en encourageant donc les gens à acheter avec des courriels et autres messages textes. On dit que si vous avez manqué le Black Friday ou le Cyber Monday, Green Monday pourrait vous donner plein de bonnes offres. J'ai jamais entendu ça de ma vie, moi, il me semble. Non. Lui demander. Peut-être qu'on a déjà parlé, mais je me rappelle. Je pense que oui. Ça se peut. Voilà. Ça, c'était pour les achats. Hein? Mm-hmm. Maintenant, on va boire un petit peu. Ah, avec d'accord. Des choses qu'on ne sait pas sur le lait de poule. Oh, le lait de poule! Le fameux eggnog. Hein? On sait que c'est délicieux, entre guillemets, quand on boit genre un millilitre ou deux. C'est beaucoup trop, je trouve. Mais bon, c'est ça. On parle du mois du lait de poule, mois national. Ça se passe pendant tout le mois de décembre. Donc, on lève notre verre à des faits sur le lait de poule. Pour commencer, ça aurait ses origines à l'époque médiévale. La plupart des historiens retracent le eggnog au posset, P-O-S-S-E-T. C'est une boisson à base de lait chaud avec des épices et du vin. C'est devenu populaire au 14e siècle, nous dit-on. C'était consommé surtout comme un cocktail confortable, relax, cozy, tu sais. Mais c'était aussi utilisé comme remède pour le rhume et pour la grippe. Ouais. Le posset, qui est resté populaire même pendant l'ère de Shakespeare, ça a été utilisé pour le mal dans Macbeth, lorsque Lady Macbeth a drogué le posset de ses gardes de sécurité, gardiens de sécurité, à l'extérieur de la chambre du roi Duncan. Mm-hmm. Je n'ai jamais vu Macbeth ça part. Ensuite, George Washington avait une recette de eggnog alcoolisée. Ben oui, évidemment. On aime bien George Washington, le premier président américain, donc qui aimait servir son eggnog pendant le Noël du Mont Vernon, selon le Old Farmer's Almanac. C'était une de ses recettes préférées. Ça continue de circuler encore aujourd'hui, même si Washington a oublié d'inclure le nombre d'œufs nécessaires. Donc allez-y, improvisez. La recette est sur assemblagerequis.com. Il y a entre autres là-dedans du rhum jamaïcain, du whisky, du brandy, des trucs comme ça. Miam, miam, miam. Ensuite, Dwight Eisenhower, un autre président américain qui aimait aussi beaucoup son lait de poule alcoolisé. C'est le 34e président des États-Unis et c'est sa façon préférée de déstresser. Donc, de cuisiner, on parle pas juste du eggnog. Non, de cuisiner, c'est ça. Selon le National Journal. Quand il a quitté la présidence, Dwight Eisenhower avançait avec concocté une collection de recettes. On dit que sa soupe aux légumes, son ragoût de bœuf, entre autres, sont bien populaires, et la tarte au citron. Mais rien ne peut vous saouler plus rapidement que son eggnog de Ike Eisenhower, comme on l'appelait. Ça demande une douzaine de jaunes d'œufs, une livre de sucre, granulé, okay. C'est ça. Du bourbon, entre autres de la crème à café, donc du half and half, et de la crème fouettée. Ensuite, le eggnog très très alcoolisé a déjà causé une espèce de manifestation. On parle du eggnog riot, donc the grog mutiny. C'était une soirée de Noël qui a viré très mal à l'académie militaire américaine à West Point en 1826. Le colonel Sylvanus Thayer, surintendant de West Point, avait interdit l'alcool sur le campus. A été connu sous le nom du père de West Point, et Thayer a changé ce qui était une académie remplie d'étudiants indisciplinés en un campus respecté, une institution comme West Point est aujourd'hui, selon Natasha Gehling, qui raconte riot, c'est quoi ce genre de... pas une manifestation, hein, c'est... le monde, ils virent des chars à l'envers, puis ils mettent... comment on appelle ça déjà? L'anarchie? Ben, c'est une manifestation. Bah, si on veut, hein. C'est un peu ça. Vous comprenez ce que je veux dire. Ben, ouais, qui je comprends? Une émeute. Une émeute, merci pour le mot. Parfait, ça. Bref, le eggnog, le lait de poule, était une partie traditionnelle de la célébration de Noël de West Point. Célébration annuelle, oui. Le moratorium, donc le fait d'avoir banni l'alcool par Thayer, ça a complètement défait les activités, bien sûr. Donc, les cadets ont quand même décidé de se saouler, et ça a fait donc une émeute de fou avec des fenêtres brisés, des meubles brisés. Quelqu'un a même sorti son épée. Personne n'a été blessé. Mon Dieu, une chance. Des coups de fusil, hein, et un lieutenant qui a été blessé. Une fois que le party s'est terminé, 19 cadets ont été renvoyés de ce campus. L'armée américaine, oui, raconte aussi le Eggnog Riot sur sa page officielle, et l'article se termine en disant que les années ont passé depuis que les cadets ont beaucoup trop bu de Eggnog, mais la morale de l'histoire est toujours applicable. Trop de quelque chose de bon peut mener à des conséquences sérieuses. C'est bien dit, quand même. Mm-hmm. Ensuite, lorsque Starbucks a retiré le latte au lait de poule de son menu des fêtes, il y a eu beaucoup de plaintes. En 2014, Starbucks a abandonné son eggnog latte. Ouais. Selon USA Today, les gens n'ont pas aimé ça du tout. Le roi du café ramène son latte au lait de poule chaque année. Chaque année, exactement. Après la révolte des clients, ils ont envoyé des lettres et ont téléphoné. Et ont participé sur les médias sociaux, bien sûr. Donc, ils avaient abandonné le breuvage qui était offert chaque saison des fêtes depuis 1986. Ils ont essayé de simplifier leur menu. mais ils disent avoir fait une erreur, qu'ils sont désolés, ils ont ramené le latte au lait de poule par après. Ah. Eux, sur leur blog, Starbucks donne le crédit du premier eggnog latte à Il Giornale, une petite chaîne de café thématique italienne à Seattle. Le propriétaire de Il Giornale était Howard Schultz, qui a acheté Starbucks en 1987 et qui a continué la tradition du latte au lait de poule dans la chaîne reconnue mondialement. C'est une bonne idée. Voyons. Ensuite, Puerto Rico a sa propre boisson des fêtes qui ressemble pas mal au lait de poule. Ça s'appelle le coquito. Le coquito. Coquito. Donc, c'est une boisson des fêtes, une boisson de Noël puertoricaine, typiquement faite avec du lait de noix de coco, du rhum, de la noix de muscade, de la cannelle et, dépendant du chef, soit du lait condensé, soit des jaunes d'œufs. Ah, hein? OK. Le Museo del Barrio à New York City a un très populaire concours annuel, le Coquito Masters Contest, pendant la saison des fêtes. Le coquito est une tradition importante dans la communauté puertoricaine. Tout le monde a sa propre recette. Quand même, excellent. Ensuite, on dit que c'est important de boire tranquillement son lait de poule, même son lait de poule qui n'est pas alcoolisé. Oh! En 2014, Ryan Roche de Leahy, en Utah, est devenu... est devenu, oui, un homme hospitalisé après avoir bu trop rapidement son lait de poule. Mais voyons. Son histoire a mal viré, c'est devenu, ça a été mentionné dans les nouvelles un petit peu partout parce qu'il a décidé de boire son, de faire un concours de buvage de lait de poule dans un party de bureau. Mais selon, sans alcool ou avec alcool? Sans alcool, celui-là. OK. Ouais. Donc, selon BuzzFeed News, Roche était en train de quitter, de sortir par la porte quand son patron lui a crié « Roche, reviens tout de suite! » Donc, Roche a bu, chuggé, comment on appelle, bu du eggnog. On parle de quart, c'est une mesure américaine, là, je ne sais pas c'est combien, mais de eggnog en 12 secondes juste. Donc, il a ouvert le carton de lait, parce que des fois, le poule, ça va dans un carton de lait, et il a juste versé ça dans sa gorge. Il a même pas respiré une seule fois. Roche a quitté le party en train de tousser, mais il se disait que tout allait bien aller. À la place, il a fini à l'hôpital. Il a passé la journée là aux soins intensifs. Ça lui a pris 2 jours pour s'en remettre. Les docteurs ont déterminé que Roche avait avalé... qu'il avait avalé trop de lait de poule et ensuite on lui a donné des antibiotiques. J'imagine que ça a rapport avec les produits laitiers. Probablement, comme quand tu choques du lait, là, ça fait vomir. Oh mon Dieu, faites pas ça. Ça doit avoir un lien. On peut aussi appeler le eggnog. T'as des expériences là-dessus? Non, okay, mais... Je voulais que tu me racontes, finalement. Ensuite, le eggnog, le lait de poule, on peut aussi l'appeler Hell's Angel. Okay. Dans le roman de 1932 de Stella Gibbons, Cold Comfort Farm, un des personnages principaux fabrique un breuvage nommé Hell's Angel. C'est un œuf, une cuillerée à thé de crème, 2 onces de brandy et de la glace. Ça ressemble pas mal à ça. Pas mal à du lait de poule. David Letterman aimait bien incorporer le lait de poule dans ses traditions des fêtes du Late Show sur CBS. Donc, il était bien sûr reconnu pour ses traditions un petit peu bizarres, comme avoir... Oui, c'est une grosse boule de viande au sommet de son arbre de Noël au Late Show, à la place d'avoir une étoile ou un ange. Donc, il avait d'autres trucs qui comprenaient du lait de poule. Il y a une année où Letterman a trempé son équipe avec un Super Soaker, tu sais, les gros fusils à eau, mais rempli de lait de poule. Et une autre année, les Goo Goo Dolls ont performé leur chanson Name. Il y avait rien de trop différent dans leur performance, sauf qu'ils ont plongé ensuite dans un gros verre de eggnog à la fin de leur performance. Et la journée nationale du lait de poule, oui, c'est le 24 décembre. Ah, ça fait du sens. C'est quand même simple, on n'a pas trop à se casser la tête pour s'en retenir. Ajoutez un peu d'alcool ou n'ajoutez pas d'alcool, comme tu vas dire dans ta chronique tantôt, alcool, pas alcool, ça dépend. Mm-hmm. Ça dépend. Et comme George Washington l'a dit, sa recette est la meilleure. Donc allez vous la procurer et faites-vous votre propre eggnog en l'honneur du président américain numéro 1. Voilà pour son foutu palmarès pour cette fois-ci. Magnifique. On écoute Gord Downey avec une nouvelle entrée du palmarès anglophone. C'est Love Over Money sur C'est Fou. Love, what letter we share? Love. trying for the years of the earth. Love over money, we miss many things trying to call a gig work. Love over money, we miss death and marriage, we even missed a birth. Love over money, we were always brothers, even when just hotel work. Évidemment, c'était Fergord Downey, le chanteur des Tragically Hip, avec Love Over Money. C'est une nouvelle entrée du palmarès anglophone. Au retour, on va partager nos coups de cœur. Tout à fait. Dans Tu manges mon cœur. C'est fou! 89 ans. Toujours dans l'émission matinale, Assemblage Reiki, accompagné de Mathieu Plante. Et de Tania Baudin, t'as réussi à arranger ton œil. Plus ou moins, oui. J'ai comme l'impression que je me suis graffiné l'œil, en fait. Oui. Vous savez, ce moment où ça fait vraiment pas du bien. Non, on te souhaite un prompt rétablissement. Oui, merci beaucoup, c'est gentil. C'est fun aussi quand elle se brasse un œil, ça brasse l'autre œil en même temps. Je sais pas s'il y a comme une symétrie dans le... Ouais, ça fait... Ah, ça, ça se peut, ouais. Dans quelques instants, tu manges mon cœur. Avant ça, on a une nouvelle entrée à entendre encore une fois. Samedi, c'est du palmarès francophone, mais on va voir, parce que c'est Joe Rocca avec Around Us. Mm. Peut-être francophone, mais peut-être pas aussi. Peut-être. Peut-être. C'est un assemblage requis. Au 89 FM. Ça, c'est confirmé. Ça, c'est sûr. Roll her ounce. Boy, don't wait it so loud. And my team was down. Yeah. Black girls be around, black girls be around, black girls be around, black girls be around. Et me dis moi je down, est-ce que je suis bien gone, est-ce que je suis bien gone. Black girls be around us. Ben Colin, c'était en français, entre guillemets si on veut. C'est du franglais, Mathieu. Franglais. Franglais. Pas mal ça, ça dépend. Joe Rocky avec Around Us. C'est, va falloir que je m'habitue à ce son-là. C'est pas genre, pas tant mon genre. Pourtant, j'aime beaucoup les Dead Obies, des trucs comme ça. Mais celle-là, première écoute, pas sûr. T'es pas certain. On va attendre, on va voir, on va voir. On va la réécouter un jour. Ouais, un jour, un jour. Ce sera pas pour l'instant, par contre, dans nos coups de cœur. Non. On a d'autres choses à vous proposer. Mm-hmm. Dans Tu manges mon cœur. Mon cœur, c'est la chronique des coups de cœur des co-animateurs d'Assemblage Requis. Vous l'aurez compris, hein, on a du plaisir à partager ce qu'on aime dans la vie. Oui. On a chacun deux choses et on veut finir en musique, donc on va finir avec toi, donc il faut qu'on commence avec moi. Ça fait d'accord. moi, toi, exactement. Donc je commence. C'est bon. C'est ce que ça veut dire, je prends le lead. On va parler d'une application iOS. Tu sais, des fois, là, tu te dis, Colin, mais c'est donc bien une belle couleur, ça. Oui. J'aimerais ça pouvoir la garder pour moi, cette couleur-là. Mm-hmm. Ben, et Colin, tu peux maintenant. Et gratuitement. Avant, il y a plein d'autres applications comme ça qui coûtent super cher pour les designers. Même Adobe en fait une qui nous charge, je sais pas si c'est 10$ par mois. Ici, ça s'appelle Swatches. Une application iOS qui est un petit peu comme le Shazam de la peinture. Pas le Shazam de la pointure. Mm-hmm. Donc, tu pointes sur un objet et ça va te mettre une bulle de couleur et en bougeant ton téléphone, tu vas pouvoir exactement trouver la couleur que tu veux dans ce que tu cherches et tu peux capturer la couleur et la garder pour plus tard. Et ah? Chacune des couleurs vient avec son code Pantone, les valeurs RGB pour Internet, les hex codes et même les noms et les codes pour Benjamin Moore. Hein? Et tu peux ensuite les grouper chacune de tes couleurs dans des palettes ou les partager avec tes amis sur les réseaux sociaux. C'est vraiment super, super bien fait. Swatches, je l'ai essayé, j'ai vraiment adoré ça. Je viens de capturer le rose de la photo sur assemblagerequis.com que vous allez voir. Et ça garde, je l'ai essayé hier aussi sur mes murs puis mon divan. Puis ça les garde tout en bas, c'est vraiment le fun. Si vous voulez magasiner pour de la peinture, entre autres, là, c'est vraiment une très bonne idée. Donc, Swatches, c'est gratuit sur le App Store de Apple. Comme j'ai dit, c'est pas la première fois ou la première application. Il y a Pantone pour les designers, vraiment l'application Pantone pour les couleurs Pantone, ceux qui sortent leur couleur de l'année à chaque année. C'est comme là, c'est le mauve intense. Ouais. Bref, eux, c'est 8$ par mois ou 60$ annuellement. Ça, c'est US. En plus de Adobe Creative Cloud. Bref, tout ça, c'est payant. Swatches ne l'est pas. Donc, allez vous procurer ça. C'est à toi. Moi, ce dont je veux... ce que je veux vous présenter, en fait, ce matin, c'est un petit peu une alternance à tout ce qui est le fameux site où plusieurs jeunes se réfèrent, qui est Narcity.com. Je vous explique pourquoi. Par alternance, ça veut dire une alternative, j'imagine, c'est ça? Oui, ouais. Exactement. C'est pas Narcity que je vous présente, détrompez-vous. En fait, je vous présente le site de Tourisme Mauricie. Ah oui? Parce que j'adore leur blog. Et récemment, j'ai commencé à faire le tour parce que parfois, on est dans notre propre ville. Puis on a un petit peu de difficulté à savoir quoi faire, où manger, qu'est-ce qui est intéressant à aller voir aux alentours de chez nous sans nécessairement devoir aller dans les grandes métropoles comme par exemple Québec ou Montréal. Et on le sait, Narcity, ça se réfère directement aux grandes métropoles. Donc on n'a pas le fameux Narcity Trois-Rivières, mais on a le blog Tourisme Mauricie. Et ça m'a allumée vraiment dans les derniers temps. Je dois vous avouer que j'ai trouvé quelques idées de chroniques sur ce blog. Ah. Oui. C'est le fun d'en apprendre beaucoup plus sur notre propre région et c'est le fun aussi de pouvoir se tester, donc de dire « Hey, est-ce que je connais vraiment ça? Est-ce que ça me tente d'aller le réessayer ou encore l'essayer? » Alors, pour ce qui est du blog, c'est très facile. Vous vous rendez au www.tourismemauricie.com et vous allez cliquer sur l'onglet « Blog ». Sachez que l'onglet « Blog », c'est différent du site Internet de Tourisme Mauricie, mais ça se ressemble beaucoup. Donc, vous allez avoir, bien évidemment, des idées de sortie. Vous allez avoir, par exemple, des idées de restaurants. Qu'est-ce qu'on peut faire durant la saison dans laquelle on se retrouve présentement, ici même en Mauricie? Et vous savez, la Mauricie, c'est quand même assez grand. Mm-hmm. Si on regarde dehors, par la fenêtre aujourd'hui, c'est quand même assez beau aussi. Donc, à ce temps-ci de l'année, parfois, on a un petit peu de difficulté à savoir quoi faire. Et si on a des enfants, eh bien, c'est sûr et certain que sur le blog, vous allez trouver quelque chose que vous-même et vos enfants allez apprécier. Donc, c'est un petit peu mon coup de cœur des dernières semaines, le blog de tourisme Mauricie. Excellent. Ça, c'est local. On aime ça, contenu local. Uh-huh. Crochet. Crochet. Moi, je te parle de quelque chose de complètement différent. Est-ce que tu aimes les bandes dessinées un petit peu? Oui. Tu lisais les Archies quand tu étais jeune? Oui, exactement. Moi aussi. Donc, Protanopia. C'est une bande dessinée sur iOS, mais ça réimagine le concept des bandes dessinées. En fait, c'est une courte bande dessinée, là, c'est une application qu'on télécharge. Ça raconte l'histoire de soldats pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, c'est gratuit, c'est par l'artiste André Bergs. Et c'est une expérience. Il voulait changer un petit peu ou trouver de nouvelles possibilités pour les bandes dessinées en ligne. Tu sais, des fois, des bandes dessinées en ligne, bon, il faut que tu zoomes sur la case. Ouais. Pour essayer de voir, puis là, tu tasses un petit peu, puis là, ça rentre mal. C'est pas le fun. Ben, c'est le fun, mais c'est pas optimal. Ouais, c'est ça. Tu peux virer ton téléphone sur le côté, mais t'sais. Exactement. Moi, mon téléphone, je le barre pour qu'il reste debout, t'sais, pour pas que je puisse aller sur le c'est côté. C'est vrai, tu fais ça, oui, toi? Je fais ça, j'aime beaucoup mieux ça. Moi, je regarde quand même beaucoup de vidéos, fait que j'aille ça. Ouais, ben, tu vois, je commence à changer d'avis, moi aussi, parce que maintenant, je sais pas, sur l'iPhone, on dirait qu'ils ont comme un petit peu compris que quand tu penches, mais pas trop sur le côté, mettons que t'es penché, ça va pas aller sur le côté tout de suite. Il faut vraiment que tu penches beaucoup pour aller sur le côté. C'est vrai. Ils ont amélioré leur principe de ça. Mais bref, on parlait de bande dessinée. C'est une bande dessinée donc, qui utilise des éléments en 3D et en 2D avec un moteur programmé, peu importe comment. Là, ça crée un style visuel assez particulier. Je peux te le montrer en vidéo. C'est sur assemblagerequis.com si ça vous intéresse. Mais c'est que quand tu prends ton iPad ou ton iPhone, les trucs par-dessus bougent indépendamment de ce qu'il y a en dessous. Ah, ben oui! C'est vraiment super bien fait. J'adore ça. C'est vraiment une très bonne idée. On peut tilter son iPhone ou son iPad pour avoir différentes perspectives. Donc vraiment, si tu mets plein écran une case de la bande dessinée, tu peux vraiment bouger les affaires qui se passent dedans. Mm-hmm. Pour vrai, ça vaut la peine de l'essayer. Essayer tous les angles. Et là, c'est Protanopia, avec des contrôles par tiltage de votre iPad ou iPhone. Ça serait peut-être pas quelque chose qui pourrait être appliqué à chaque bande dessinée, mais dans celle-là, ça fonctionne vraiment bien. Ça ajoute un côté dynamique à un médium qu'on connaît qui est d'habitude assez plat. Hein? Donc, Protanopia, c'est disponible sur le App Store. Je pense que ça fait déjà plusieurs fois qu'on le dit, Mathieu et moi. Je suis... je pense que je vais commencer à me qualifier comme quelqu'un qui trippe sur Noël. Ouais. Qui trippe sur les tunes et les films de Noël. T'as regardé encore ton fameux Smoky Mountain Christmas en fin de semaine? C'est fait. Mon classique est regardé. En fait, mes deux grands classiques sont regardés. C'est-à-dire Smoky Mountain Christmas, qui est un très, très vieux film de country, rappelons-nous. Avec Dolly Parton. Dolly Parton. Et La Guerre des Tucs aussi, qui a été regardé cette fin de semaine. Contenu local, crochet. Exactement, contenu local, québécois. C'est drôle parce que je regardais cette fin de semaine justement La Guerre des Tucs, puis je me disais qu'on a vu le remake de La Guerre des Tucs en dessin, mais on n'a jamais nécessairement eu un autre film de Noël québécois dans ce style-là. Ouais. Ça serait le fun de voir quelque chose de nouveau. C'est sûr que, bon, du côté production et tout ça, faudrait trouver des jeunes, mais c'était vraiment un film pour les jeunes, mais qui a touché tout le monde. Est-ce que Julien Majeur, c'est un film de Noël? Non. Ben... C'est Noël de l'an, chacun. Je te dirais que Pee-wee 3D, c'était ça le premier. Je pense que ça a eu cette petite connotation-là pour certains jeunes. Malheureusement, je ne l'ai pas encore regardé, mais je me suis donné comme mission de regarder Pee-wee 3D cet hiver pour pouvoir ensuite regarder Junior Majeur et pouvoir voir peut-être certaines ressemblances ou complètement différences avec La Guerre des Tucs. Mais pour le contenu québécois, je trouve que c'est quelque chose de bien quand même. Ouais. Mais on parle pas de film. Je parlais de film tout simplement pour dire à quel point je trippe sur Noël. Et bon, c'est sûr que... Veux pas, si je trippe sur les films de Noël, je trippe aussi sur la musique de Noël. Ça fait déjà un bon mois que j'ai un CD de Noël qui fonctionne dans ma voiture à tous les matins. Je vous rappelle qu'on est le 11 décembre, ça fait depuis au moins le 11 novembre. Ouais, exactement. Okay. Depuis le lendemain de l'Halloween, en fait. 1er novembre. Je vais être honnête. Ouais. Hey, c'est le 1/6e de l'année, ça, là, c'est beaucoup. Ouais, je sais, wow. Mais qu'est-ce que tu veux, là? Ben, c'est comme ça. On vient d'avoir de la neige, ça me met vraiment heureux. J'étais vraiment triste de ne pas avoir de neige. J'ai encore rendu au 10 décembre, ouais. Là, hier. Il était temps qu'il neige. Donc, aujourd'hui, je vous présente, en fait, la pièce favorite sur le nouvel album que je me suis acheté. C'est un album vraiment avec plein d'artistes différents, des styles différents aussi. Donc, on a du pop, on a du vieux folk, on a du country, c'est en anglais. Et la pièce que je veux vous faire entendre ce matin, c'est ma préférée, c'est Tim McGraw avec Dear Santa. Ah, semblage requis sur C'est fou. Santa, I'm a grown man now, but I've got a problem here. If you've been watching, then you must know I've not been good all year. I let her down, lost sight of us. I don't deserve one thing, but she does. Dear Santa, her a heart, the one she's got is broken. Fill up her stockings with the words that I left unspoken. Now I'm not asking you to bring her love, 'cause Christmas morning when she wakes up, that's what she'll get from me. I remember Christmas past, when little was enough. Now all the presents under all the trees couldn't save our love. We need a miracle like the one on 34th to get us back to where we were before. Dear Santa, bring her a heart, the one she's got is broken. Fill up her stockings with the words that I spoken. Now I'm not asking you to bring her love, 'cause Christmas morning when she wakes up, dear Santa, that's what she'll get from me. Tim McGraw avec Dear Santa, assemblage requis. Et t'es trop dedans, Tania. Oui, hey, non, c'est vraiment une de mes pièces favorites là, de Noël. En français, ça marcherait tellement pas, genre, cher Père Noël, amène-lui un cœur parce que là, qu'à l'œil, il brille. Ça marcherait vraiment pas en non, français. Non, ça fonctionnerait pas. Donc, Tim McGraw, qui était donc ton coup de cœur à toi, un de tes deux coups de cœur. Oui. Les deux miens et les deux tiens sont sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission numéro 1170. Merci, exactement, Tania. Exactement, fait plaisir. Plus tard à l'émission, Alexander Brett s'en vient avec sa chronique Le Monde ce matin. Avant ça, on a le temps pour une petite pièce du palmarès anglophone. C'est une nouvelle entrée par Wolf Parade. Voici Valley Boy. Merci. The Wolf Parade. À Assemblage requis. Maintenant, Tania. Oui. Jason. Ben, Jason, certainement, hein? Mathieu. Parce que toi et moi avons participé la semaine dernière à un événement québécois à la grandeur du Québec. Mais nous avons fait notre petite part ici même pour représenter C'est fou. 89.1. Represent. Represent. Les animateurs du matin ont participé à la grande guignolée des médias. Woohoo! Oui. Oui. On est allé ramasser de l'argent dans les petites rues, les petits raccoins du campus. Il y avait beaucoup de monde qui passait sur le campus. Ouais, vraiment. Évidemment, parce qu'il y avait des cours à ces heures-là. On était en avant-midi environ avec des gens très sympathiques de la communication de l'UQTR de mon bord. Exactement. Moi, j'ai eu département des sports et j'ai aussi eu des élèves. Ça fitait quand même. Ouais. Ça se faisait aller le petit contenant. La petite caisse. Beaucoup de gros dons. J'ai eu 20$. Oui, tout à fait. Les gens étaient très, très généreux. Ouais. Je dois absolument mentionner le monsieur. Je pense que c'est incroyable. C'est la première fois que je voyais quelque chose comme ça et je pense que c'est digne de mention. Le monsieur est sorti une grosse pile de 5$. Okay. Puis il m'a dit, je vais t'en donner seulement un. Parce que je fais le tour des postes sur le campus pour pouvoir en donner un par poste. Hey, ça fait beaucoup d'argent. C'est extrêmement d'argent. Félicitations, monsieur. Mais c'était vraiment digne de mention. J'étais comme, waouh, OK, il n'y a pas personne qui fait ça, c'est sûr et certain. Ça m'a comme touchée. Oui. Puis les gens ont été très, très généreux. Je suis restée surprise de voir beaucoup plus d'étudiants donner que certains enseignants. De membres de l'équipe de UQTR. Ouais, exactement. Moi, j'étais quand même surpris de voir que les gens, même à pied, donnaient beaucoup. Ouais. Quand même, j'ai eu plusieurs piétons qui sont venus m'en donner. Tout à fait. Vous aviez eu aussi, vous, à votre poste, parce qu'on n'était pas très loin l'un de l'autre, vous avez eu des denrées non périssables. Oui, une boîte de denrées des bines. Exactement. Donc, on rappelle quand même pour l'année prochaine, si jamais ça vous intéresse. C'est quelque chose que la Grande Guignolée accepte aussi. Oui, là. On est là pour les prendre les caisses. C'est ça, exactement. C'est pas pour rien qu'on est trois par coin, parce que des fois, il faut prendre des dons d'un bord de la rue, de l'autre bord de la rue, d'arrêt non périssable, des trucs comme ça. Donc, il faut être plusieurs tout à chaque coin. C'était bien le fun. Le froid a même pas dérangé tant que ça. C'est ça. Ça a passé super vite. Je tiens à dire aussi aux gens qui ont pas nécessairement de monnaie dans leur voiture ou qui veulent pas nécessairement donner, c'est pas obligé de regarder ailleurs. De faire comme si vous ne voyiez pas. et pour vrai, je vais faire mon éditorial là-dessus. La personne qui a eu l'idée des petits papiers, j'ai déjà donné. Ouais. Je les comprends pas, ces petits papiers-là. Parce que pour commencer, il faut que tu le pointes de toute façon. Fait que c'est quoi la différence entre pointer ton papier « j'ai déjà donné » et faire un signe de la main comme « j'ai déjà donné » Oui. Tu sais, c'est quoi la différence? Et en plus, ça gaspille du papier. Tout à fait. Fait que je comprends pas. Et en plus, c'est difficile à manier avec les gants. Ah, très difficile. Il n'y a aucun avantage et ça sert absolument à rien, ces petits papiers-là. C'est dit. Il faut dire que la température était belle, mais frisquette. Oui. Ça pognait sous les os. Mettons que les petits gants magiques, t'as pas assez pour ce genre de choses-là. Non, exactement. Mais je tiens à dire que, en tout cas, moi, je me suis sentie bien après cette activité-là. Oui, moi aussi, je me suis sentie utile. Exactement. Les gens avec qui j'étais m'ont dit après une demi-heure, genre, tu peux y aller, on est correct à deux. Ouais, mais est-ce que je veux faire ma part? C'est ça, exactement. Ouais, bonne action. Ouais. Je pense que c'est fou, c'est bien donné de ce côté-là. Oui. Félicitations à nous. Je vais nous le dire. Ça faisait déjà assez tape dans le dos. Il fallait qu'elle dise vraiment genre félicitations à nous. Non, mais félicitations à nous, mais félicitations aussi à tous vous. Ceux qui ont donné. Oui. Surtout à vous, parce que c'est important. Ça fait un changement dans la vie de certaines personnes. Et comme on le dit souvent, et comme la Grande Guignolée le dit, il y a la pauvreté, c'est beaucoup plus près de nous que l'on pense la plupart du temps. Donc, vous allez certainement faire un changement dans la vie de quelqu'un en Mauricie avec le don que vous avez donné. Absolument. Voilà. Pour le Noël du pauvre, on prend une pause. La Grande Guignolée des médias. Qu'est-ce que j'ai dit? Le Noël du pauvre. Excuse-moi. C'était à peu près en même temps, c'était vendredi passé. Oui, exactement. C'était pas mal dans les mêmes temps. Confusion facile à faire, vraiment. Je m'en excuse. Plus différent. On disait donc qu'on prenait une pause et non pas un pauvre. Et au retour, Alexander Brett et sa chronique de l'actualité internationale, Le Monde ce matin. Vous êtes à Assemblage requis jusqu'à 10h. Aujourd'hui. C'est fou, 89.1. Assemblage pour toi aujourd'hui. animateurs d'Assemblage Requis en ce lundi 11 décembre 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, dans quelques instants, Alexander Brett va être avec nous pour sa chronique d'actualité internationale. On va le laisser s'installer un petit peu. On va lui dédier une pièce qui ne va pas du tout avec lui par l'habillement. D'accord. C'est lui, Thomas. C'est qui, Tom Hardy? C'est les vêtements? C'est pas ça? Tom Hardy, c'est pas un athlète? Peut-être. Cherchons. Je te cherche ça, Mathieu. Ouais, on veut savoir. Parce qu'il y a une chanson de Pat Kelly qui s'appelle Thomas Hardy, écrivain. C'est un écrivain britannique qui est décédé en 1928. Colin, Alexander savait ça, c'est clair. C'est sûr. Donc, on écoute de Pat Kelly. Voici Thomas Hardy à son âge requis sur Facebook. Honte, Tania. Oui. Un petit peu honte parce que clairement, Thomas Hardy est un auteur britannique. Exactement. On aurait dû savoir ça. On aurait dû savoir qu'Alexander allait savoir qui il est. En plus, ça aurait été un super bon lien pour amener vers Alexander. Mais bon, hein. Tu l'as un peu manqué, celle-là. On fera ça la prochaine fois. Ah non, c'est vrai, c'est sa dernière chronique. Donc, Alexander Brett, qui est avec nous pour sa chronique de nouvelles internationales, c'est Le Monde ce matin. Bonjour. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous commençons aujourd'hui avec les nouvelles de Moyen-Orient et l'Irak a annoncé que sa guerre contre Daesh est terminée samedi. Le premier ministre Haider Abadi a déclaré lors d'une conférence à Bagdad que ses troupes irakiennes contrôlent désormais totalement la frontière irako-syrienne. Les eaux frontalières comptaient les dernières zones occupées par Daesh après le pot de la ville de Rara en novembre. Le département d'État américain a salué la fin d'une ville occupation de Daesh en Irak et a déclaré que la lutte contre le groupe se poursuivrait. Et l'annonce d'Irak intervient 2 jours après l'armée russe a déclaré avoir accompli sa mission de vaincre Daesh dans la Syrie voisine. Vladimir Poutine est en Syrie maintenant. Et le groupe Daesh, le groupe djihadiste avait saisi les larges pans de la Syrie et l'Irak en 2014, lorsqu'elle avait proclamé un califat et imposé son pouvoir à quelques 10 millions de personnes. Mais il a subi une série de défaites au cours des dernières années, pendant la 12e ville irakienne de Mousou en juillet et d'Irak dans le nord de Syrie le mois dernier. Le feu continué de rage samedi sur le sud de la Californie, où le secours a été offert aux pompiers, mais le milieu d'habitations était encore menacé. Près de 70 000 hectares ont déjà été réduits en cendres depuis lundi dernier, et donc dans les régions de Los Angeles, Santa Barbara et au nord et à San Diego au sud. Mais on fait à ce stade une seule victime. Au total, presque 4000 pompiers ont été mobilisés pour lutter contre Thomas, son nom officiel, l'un des 20 plus grands incendies dans l'histoire de la Californie. Et au total, 8500 pompiers étaient sur le terrain et 90 000 personnes restent encore évacuées samedi. Le président Donald Trump a publié vendredi une déclaration d'urgence pour l'état de la côte ouest pour le déblocage de l'aide fédérale pour Los Angeles et sa région. Les Palestiniens sont descendus dans les rues pour un quatrième jour en colère contre la reconnaissance par le président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Lorsque le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rencontré le président français Emmanuel Macron à Paris hier, cette décision a mis enfin la neutralité américaine sur l'un des problèmes les plus sensibles de la région et a été critiqué par les alliés américains. Israël a toujours considéré Jérusalem comme sa capitale, tandis que les Palestiniens reviendraient Jérusalem-Est occupée par Israël de la guerre de 1967 comme la capitale d'un futur État palestinien. Pour M. Trump, la décision remplit une promesse de campagne et elle a dit que c'était rien de plus homme de moi qu'une reconnaissance de la réalité. Le vice-président américain devrait se rendre à Moyen-Orient plus tard ce mois-ci, mais le conseiller du président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré que le père ne se réunirait pas. Le dépouillé de l'ancien roi Michel de Roumanie, décidé en Suisse le 5 décembre, va être répété dans son pays natal aux 3 jours de jour national seront observés. La Roumanie va mettre ses drapeaux en bas le 14 et au 16 décembre. Et dans ces 3 jours, le pays va observer une période de jour national en mémoire de Michel, qui était chef d'État entre 1927 et 1930. Et 1940 à 1947, les nombres français sont toujours difficiles pour moi. Pour nous aussi, des fois. Oui. Michel était le roi jusqu'à l'occupation nazie de paix, mais au cours de la domination communiste, il a été retiré de pouvoir et n'est jamais revenu après la liberté achevée en 1988. Et finalement, ce matin, des centaines de milliers de personnes ont défilé dans la rue de Paris samedi pour faire les adieux au chanteur français Johnny Hallyday, décédé cette semaine à l'âge de 74 de cancer. Et son cercueil a été conduit dans un cortège sur les Champs-Élysées, suivi par des centaines de motards en cuir. Et ensuite, le président Emmanuel Macron a rendu hommage au chanteur dans une allonge funèbre à l'église de la Madeleine. Alors que le cortège transporte son cercueil quittant le salon funéraire dans le banlieue parisien de Nanterre, quelques 700 moutons se sont rendus aux Champs-Élysées. Le star de son vrai nom, Jean-Philippe Smet, a vendu plus de 110 millions de disques et a joué dans de nombreux films, dont un homme réalisé par Jean-Luc Godard. Il était autrefois condamné comme le corrupteur de la jeunesse de rock'n'roll et a souvent été qualifié de Elvis français. Alors, c'est sur vos nouvelles internationales de ce matin. Mon dernière diffusion ici, c'est le raid de CFO. Merci, c'est un plaisir de faire partie de la production ici. Et merci beaucoup à toi d'être venu à notre émission depuis pas mal quand même. On a fait plusieurs chroniques ensemble et on s'en rappelle très longtemps. Si jamais tu continues à faire de la radio en Grande-Bretagne. Oui, absolument. Tu nous le diras, on va t'écouter. Oui, tiens-nous au courant. Donc, lui qui vient de terminer son séjour parmi nous, tu pars samedi. Oui, c'est ça. Et tu as aimé le Québec? Oui. C'est triste de partir, mais c'est Noël, c'est bon d'être avec famille. Avec sa famille, c'est ça. Voilà. Donc, Alexander Brett, merci beaucoup. Merci. toujours à Assemblage Rocky. On va continuer ça dans quelques instants avec d'autres chroniques. On va faire beaucoup de chroniques maison parce que Xavier McLeish ne sera pas avec nous aujourd'hui, finalement, c'est annoncé. Mais en hommage à Alexander Brett qui s'en va, on l'aime, mais il s'en va. Fait que c'est Love and Leaving. The Julie and the Wrong. Thank you.

Simon, idéal, serait plus qu'un ami pour toi. Chantal, je ne sais plus comment te dire que je m'ennuie et qu'à part toi, personne ne semble comprendre. Chantal, ce n'est pas obligé d'être comme ça. Je sais c'est impossible, tu me l'as déjà dit. Tu ne m'aimeras jamais comme ça. Je me consolerai en pleurant sur mes lingots d'or volant de Jaguar. Belle et blonde, toute la drogue du monde, ouais. Avec Chantal. On sait pas si Chantal est enceinte ou pas. On le sait pas. On sait pas si elle aime les pickles. Ah, des pickles. Tu viens de tomber sur quelque chose de drôle quand même. Oui. Parlons-en. Eh bien, en fait, c'est un vidéo américain là, qui explique qu'il y a un professeur universitaire qui a une politique. Lorsqu'on est dans sa classe et que notre téléphone sonne, on se doit de répondre, mais de le mettre sur speakerphone. Quelle mauvaise idée. Il me semble que c'est dangereux. Tu joues avec le feu, maman. Ben, c'est arrivé dans sa classe. Donc, la jeune fille a répondu. Elle l'a mis sur speakerphone et la personne au téléphone était en fait le centre de... Ben, je veux pas dire dépistage, mais l'hôpital où elle a été passée un test de grossesse. Ouais. Et on lui annonce en fait que les résultats sont positifs et qu'on sait, bon, qu'elle nous avait déjà dit que le père n'était plus nécessairement dans le portrait. Ouais. Mais qu'on allait s'occuper d'elle adéquatement. Donc le professeur est vraiment, mais vraiment mal. Clairement. Puis il dit, OK, tu sais, t'aimerais peut-être mieux juste comme fermer tout ça. Puis finalement, bien, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à la fin du vidéo, c'est un prank pour le professeur. Mais ça y apprendra, pour vrai. Ben oui, exactement. Hey, mais le professeur rit, là, quand il apprend que c'est un prank, il se sent vraiment mal. Il le refera plus jamais. Ben, j'imagine que non. Ça marche des fois, ces pranks. Oui. Ouais, c'est pas mal bon. Pas mal bon. C'est très drôle. Voilà, donc on prend une petite pause. Au retour, on va faire des choses encore pires que ces pranks-là. Ah ouais? Ouais, dans Après le crime. Ah, évidemment. Mm-hmm. aujourd'hui. Vous êtes assez fou. 89.1. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Toujours dans l'émission matinale Assemblage requis, accompagné de Tania Baudin. Et de Mathieu Plante. Oh, que oui. On n'a malheureusement pas Xavier Mekliche aujourd'hui. Ben non. On a déjà dit au revoir à Alfalfa Lutin la semaine dernière. Ouais. Mais là, Xavier n'est pas là pour le remplacer. On se reparlera peut-être la semaine prochaine avec lui. Pour l'instant, on va remplacer tout ça par des chroniques de toi et moi. Tu vas nous faire une autre chronique tantôt de Tania is gonna entertain you, oui. N'est-ce pas? Génial. Mais pour l'instant, on va parler de crime. Dans Après le crime. Oh. Après le crime, c'est la chronique des gens qui font des choses répréhensibles. Mm-hmm. Et on commence avec Airbnb. Tu connais Airbnb, le mais système oui, de location d'appartements ou de maisons pendant une période courte. Exactement. Eh bien, un invité de Airbnb trouve des caméras cachées, déguisées comme des détecteurs de mouvement à l'intérieur d'une chambre. C'est donc, on a découvert ça récemment, c'est le porte-parole de Airbnb, Jeff Henry, qui a répondu aux allégations par rapport à tout ça en disant à Buzz News que ces incidents-là sont très très rares. Donc, un collègue d'un archiviste américain qui a découvert une caméra masquée comme un détecteur de mouvement à l'intérieur d'une chambre sur Airbnb. C'était Jason Scott qui a découvert ça, mais n'a pas nommé son collègue. Il a posté quand même des photos de l'appareil que vous pouvez retrouver sur assemblagerequis.com. Le porte-parole de Airbnb dit que les caméras sont jamais permises dans les chambres à coucher ni les salles de bain, et n'importe quelle autre caméra doit être mentionnée aux invités à l'avance. Il a dit donc, le porte-parole, que Airbnb a banni de façon permanente l'hôte en question et a donné un remboursement complet à l'invité qui a fait cette découverte assez perturbante. Hein? Mm-hmm. C'est pas la première fois même qu'on découvre des caméras cachées à l'intérieur d'un Airbnb. Un couple de l'Indiana est resté dans un Airbnb en Floride en octobre. Ils ont découvert donc une caméra cachée dans la chambre des maîtres. La caméra pointait directement le lit et était déguisée en tant que détecteur de fumée. Ben voyons donc. Ouais, donc ça fait peur, ça fait pas mal peur. Mais encore là, hein, tu loues la maison ou l'appartement de quelqu'un, ces gens-là sont pas nécessairement tout le temps... honnête. Ouais. Hein? Les voyeurs. Exactement. Ça arrive. Ensuite, continuons avec une mère et un copain, son copain, accusé d'avoir tué un garçon de 3 ans. Et puis, ils ont mis son corps, attention ici, avertissement, dans du ciment. Franchement? Ouais. Le corps a été trouvé dans la maison louée du couple après qu'ils aient déménagé. C'est donc le corps d'un enfant de 3 ans qui a été découvert dans du ciment dans une maison de Wichita dans le Kansas. Et maintenant, la mère et le copain sont accusés de meurtre au premier degré. Miranda Miller et Stephen Bodine. Qui ont été accusés donc après la mort de Evan Brewer, selon le New York Times. Le couple devrait apparaître en cours et pour l'instant, on ne sait pas encore plus de détails que ça. C'est le propriétaire qui a découvert le corps de Brewer en nettoyant la maison après que Miller et Bodine aient déménagé. Ce propriétaire-là qui a remarqué une odeur assez déplaisante. Une odeur déplaisante? Mais ouais, j'imagine. Dans la structure de ciment de la maison. Le couple était déjà en prison à ce moment-là, sur d'autres accusations. Quand même, donc des criminels de carrière. Le père de Evan, Carlo Brewer, se souciait du bien-être de son fils avant qu'il meure. Il a contacté les autorités plusieurs fois. Selon la belle-mère de l'enfant, Bodine aurait menacé de la trancher en morceaux. Alors qu'elle et le père du fils sont retournés à la maison où les restants de l'enfant ont été retrouvés. Elle a posté ça sur Facebook au mois d'août. Bref, le reste des détails sur assemblagerequis.com. Mais voyons donc. Mais c'est pas super cool. Ensuite, une fausse interprète qui a signé des n'importe quoi, du blablabla, n'importe comment, pendant la conférence de presse concernant un tueur en série à Tampa. Elle est déjà allée en prison, nous dit-on, par le passé. Donc, elle s'appelle Durlin Roberts. Elle a précédemment été arrêtée par la même agence qui a tenu cette conférence de presse. La police ne comprend rien après que cette scam artist, donc une... comment dire... une menteuse compulsive. Oui, c'est ça, exactement. Bref, elle réussit à se faire passer pour un interprète du langage des signes et qui signait du n'importe quoi. Hey, j'ai vu. Ouais. Donc, ça s'est passé le 28 novembre dernier. L'interprète Durlin Roberts, 53 ans, était à quelques pouces de la police et du maire et ça a créé la confusion. Parlant au Tampa Bay Times, Rochelle Settembrino, qui est sourde et qui enseigne le langage des signes à l'Université du Sud de la Floride, bref, a accusé Roberts d'avoir signé n'importe quoi. En fait, elle a signé il y a 51h012-22, meurtre 3 minutes, dans 14 semaines, il y a meurtre 4-55 000. Tu sais, elle signait n'importe quoi, clairement. Ouais, c'est ça. Ça avait absolument rien à voir. Bref, et la police... Elle aurait pu dire autre chose, par exemple. Tu sais, t'imagines si elle avait voulu passer un message? Ouais, c'est genre, ouais, je comprends, un vrai message. Exact. Ouais. Que seulement les sourds auraient pu comprendre. C'est j'avoue, ça? J'avoue. Le département policier de Tampa a dit d'avoir jamais demandé d'interprète du langage des signes pour cette conférence de presse-là. Donc, on se demande comment... qui a envoyé Roberts à cette conférence-là. On ne le sait pas. Hein? Et comme je disais tantôt, elle a été arrêtée pendant, plusieurs fois pendant ces 24 dernières années. Donc, on parle de vol, on parle de plein de trucs comme ça. Écrit des chèques qui ont, j'imagine, rebondi. Des trucs comme ça. Donc, c'est une criminelle, elle aussi, de carrière. Ensuite, on parle d'un ex fâché qui met du liquide inflammable en forme de cœur dans la chambre à coucher de son ex-copine. Attends, répète! Met un cœur en liquide inflammable dans la chambre à coucher de son ex-copine et qui blâme ensuite un homme noir lorsque la maison a pris en feu. Donc, c'est en Floride que ça se passe. José Bernardo Rosal Madrigal, 19 ans, de Auburndale, est accusé d'avoir donc parti un feu alors que sa copine et ses parents, à elle, étaient toujours à l'intérieur de la maison, selon Fox News. Donc, la police a trouvé du liquide inflammable un petit peu partout dans la chambre à coucher de la copine en forme de cœur. Hein? Madrigal avait aussi mis du liquide devant la maison et sur les véhicules et même le canot, qui est aussi un véhicule, de la famille. Le shérif de Polk County dit que le garçon de 19 ans a prévu ça bien à l'avance et savait ce qu'il allait faire finalement. Donc la copine a dit à la police que Madrigal lui avait envoyé des messages sur Snapchat menaçant de brûler sa maison avant l'incident. Wow! Hein? Madrigal au départ disait qu'il était chez sa mère au moment du feu, mais la vidéo de surveillance le montre... passé devant la maison plusieurs fois et il a admis ensuite être passé devant et il disait avoir vu un gars noir, un random black guy en train de mettre feu à la maison avant de s'enfuir et maintenant ben, il est accusé bien sûr d'homicide, voyons comment t'appelles ça. Préméditation? J'oublie tout le temps ce mot-là. Quand tu veux planifier. Préméditation? Non, préméditer c'est quand tu y as pensé avant mais tu l'as tué. Là, il n'y a personne de mort. Okay. Tentative. De meurtre. Ensuite, tu sais, quand le mot est sur le bout de ta langue. Le maire d'une ville qui a utilisé le permis de conduire d'une femme décédée pour se stationner dans un stationnement pour handicapés. Attends, pardon, quoi? Les titres sont tout le temps ultra longs parce que c'est des crimes compliqués. Le maire d'une ville qui a utilisé le permis de conduire d'une femme morte pour se stationner dans un stationnement pour handicapés. OK. On se comprend là-dessus? Oui. Bref, des fois, ça peut être difficile de trouver un stationnement pour handicapés. Hein? C'est la mairesse de Davenport, Teresa Darlene Bradley, 60 ans, qui a été arrêtée et, donc pour possession de la carte d'identité d'une personne décédée et d'autres petits crimes comme ça. Le site Law and Crime qui montre qu'elle a payé les 2250$ de caution pour quitter la prison et qu'elle doit revenir, pas en prison, mais devant la cour le 9 janvier prochain. C'est une vidéo qui a été postée sur YouTube par le bureau du shérif de Polk County qui montre donc une personne en train de stationner une voiture dans un stationnement pour handicapés et ensuite entrer dans une bâtisse avec une valise sur roulette. Bon. Les enquêteurs ont identifié que c'était Bradley, donc la mairesse de la ville, qui se stationnait là, même si elle n'a pas d'handicap. Elle aurait mis sa plaquette donc sur le miroir de sa voiture et ce permis-là appartenait à une femme qui est morte en août 2012. OK. Wow. Et c'est la mairesse. Ah, ben voyons. La ville. Wow. Ouais. Ensuite, parlons d'un homme qui a giflé. Oui. OK. C'est un homme qui a giflé un autre homme, le père de trois enfants, lors d'une fête pour enfants, et ça a tué le père. Hein? C'est un père de la Géorgie qui est mort après qu'un homme lui ait présumément frappé le visage avec une main ouverte. Donc vraiment une gifle. Selon le Dakula Patch, la police de Gwinnett County a découvert que Thomas Rodriguez était donc couché par terre à 3h un dimanche. Les autorités disaient qu'il ne respirait pas, alors que Adrian Herrera, 31 ans, aurait dit aux officiers que Rodriguez était saoul et qu'il le harcelait pendant un party de fête le samedi soir. Il y avait environ 70 personnes à cette célébration-là, et la police dit que les adultes sont restés plus tard que les autres pour boire, et c'est là que Rodriguez a commencé à harceler Herrera. Herrera a averti Rodriguez d'arrêter, et il a commencé à être un petit peu irrité parce que le fils de l'homme était présent à cet endroit-là. Herrera dit qu'il venait de... Bon, là, il y a des détails, et ça dit que le suspect a donc frappé l'autre avec la main ouverte, et il est tombé par terre, puis il a arrêté de respirer. Pas mal ça. Mais il avait beaucoup bu. Ah, ben oui, ben oui. Donc, l'homme de 31 ans a été accusé d'homicide involontaire. Voilà. Wow, hein? Oui, vraiment. Wow. Des... Je m'attendais à, genre, une raison, mais... Non. Apparemment que non. Apparemment que non. Un couple a été attrapé en train d'avoir des relations sexuelles à 70 000 à l'heure sur la route. On ne peut pas inventer ce genre de nouvelles-là. Ça s'est passé en Argentine. Donc, ça a bien sûr créé la controverse. C'est le Daily Mail qui nous dit que l'Argentine a un des plus hauts taux d'accidents reliés à la vitesse et au trafic dans le monde. C'est ça, la vidéo montre une femme en train de rebondir sur l'homme. L'homme qui n'a toujours pas de nom, on ne l'a pas nommé. Et lui envoie le doigt d'honneur au photographe et ensuite essaie de quitter comme ça en s'en allant. Pas mal tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Allez voir la vidéo si ça vous intéresse. Sur assemblagerequis.com. Ensuite, une mère qui tue une adolescente qui est enceinte, performe une césarienne. Pardon? Oui, avec un couteau et dit que le bébé est à elle. Hein? Oui, une femme brésilienne et son copain sont en prison maintenant après avoir prévu donc de tuer l'adolescente, future mère, dont les derniers posts sur les médias sociaux parlaient qu'elle était super excitée de donner naissance à son enfant. C'est le New York Post qui dit que la suspect, qui n'a pas encore été nommée, aurait invité Gabrielle Barcelos, une voisine à son appartement de Uberlandia, en disant donc vouloir offrir des vêtements pour bébé à la place la suspect aurait mis quelque chose dans son verre, aurait mis de la drogue, peu importe, et a donné ça à l'adolescente qui était enceinte de 8 mois. Une fois que Silva est morte, parce que ça l'a tué, la suspect aurait donc coupé le corps avec un couteau. Couteau vraiment coupant et très très mince pour faire une césarienne. La suspect et son copain se sera ensuite présenté à l'hôpital avec le nouvel enfant, disant que la femme venait tout juste d'accoucher. Il me semble que ton corps s'apparaît quand t'as accouché, j'imagine. Ouais, c'est ça, que exactement. Tu peux pas vraiment comme faire « Hey, je viens d'accoucher, tout est parfait en bas. Hein? » Bref, les médecins à l'hôpital auraient appelé la police une fois que c'est devenu clair que la femme n'avait pas donné naissance à un enfant. La suspecte, 38 ans, aurait confessé son meurtre à la police et a dit que son copain était au courant de ce scénario-là et avait aidé à cacher le corps de la personne décédée. Barcelos a été retrouvé enveloppé dans une serviette, mais on ne sait pas exactement où. La femme dit qu'elle a essayé de voler le bébé parce que son copain l'avait menacé de la quitter après qu'elle ait eu une fausse couche. Et le copain a dit évidemment que c'est complètement faux. Hein? Ben oui. L'enfant a survécu et est apparemment présentement en condition stable. Une chance. On va avertir un petit peu plus souvent. Oui, c'est ça, exactement. Pour le public plus ou moins averti. Ensuite, c'est des officiers de police qui auraient battu un client de chez Walmart à cause d'une tomate volée. Pardon. Pardon. Hey, où s'en va le monde? C'est ça. C'est un officier de police qui n'était pas au travail à ce moment-là. Ça se passe à Atlanta. Qui a aussi une deuxième job comme gardien de sécurité chez Walmart. Qui apparemment aurait été enregistré sur vidéo en train de battre un client à cause d'une tomate volée. C'est selon WSB-TV qui nous dit qu'un jury délibère en ce moment à savoir si Trevor King a utilisé de la force excessive pendant cet enregistrement qui date d'octobre 2014 quand même. On dit que la personne qui a été frappée, Tyrone Carnegie, a quitté cet accident-là avec une jambe brisée, cassée. Donc, on dit que King aurait accusé par erreur Carnegie de vol à l'étalage. Hein? OK. Et il s'est fait, l'autre l'a frappé 7 ou 8 fois sur les jambes. Oui, il a cassé 2 os. Quand même. Ouais. Pour une tomate. Pour une tomate, c'est pas mal ça. Qui était, ouais. Il était, ok, ça dit que Carnegie était a été pesé la tomate après l'avoir acheté. Carnegie présumait donc que le service à la clientèle, qui était retourné au service à la clientèle pour avoir un remboursement, mais avait décidé de ne pas le faire. Il avait essayé de quitter le magasin, j'imagine, avec la tomate. Un employé de la sécurité a alerté King. Et puis, c'est pas mal ça. L'autre a commencé à frapper Carnegie par rapport à cette tomate-là. C'est pas mal ça, l'histoire. Franchement? Ouais. Ensuite, on a avertissement public, plus ou moins averti, encore une fois. Un homme qui a des relations sexuelles avec sa copine morte après l'avoir attaché par les poignets et par les chevilles au lit, 10 ans après ça qu'il essayait de la réveiller. C'est un homme du Connecticut qui aurait confessé, donc, après avoir eu des relations avec sa copine décédée, disant qu'il essayait de lui faire reprendre conscience. C'est selon le Hartford Current qui nous dit donc que Aaron Grazier, 39 ans, a plaidé coupable à violence sexuelle de 4e degré, ainsi que violation de sa probation, après avoir admis qu'il avait eu des relations avec sa copine, son ex-copine, on peut dire, si elle est morte. Hein? Ouais. Après l'avoir trouvé sans réponse et entouré d'aiguilles. Grazier aurait dit qu'il croyait que le sexe allait peut-être la réveiller. Pardon? Ouais, allait peut-être la réveiller. C'est la Belle au bois dormant version trash pas mal. C'est ça, hein? Exactement. Ouais. Selon l'arrestation obtenue par le journal, Grazier a trouvé sa copine inconsciente, la victime apparemment d'une overdose d'héroïne. Avant d'appeler le 911, il a essayé de la ramener à la vie, donc après avoir remarqué certains signes qui pourraient dire qu'elle était encore en vie. Grazier a aussi admis l'avoir attachée par les poignets et par les chevilles au lit avant d'avoir des relations avec elle. Ben non. Parce que c'était un fétiche qu'il avait, lui. Je sais pas si le fétiche était d'attacher la fille ou de coucher avec la fille morte. Ça précise pas dans l'article. Hein? Le suspect avait été arrêté 3 mois auparavant, avant la mort de sa copine, donc après avoir présumément essayé de l'étouffer. Et il était en probation au moment de l'incident. Le rapport d'autopsie nous dit que la femme était morte avant que Grazier ait des relations avec elle. Les paramédicaux qui ont répondu à l'appel 911 ont dit que la femme était morte depuis plusieurs heures. My Il a reçu God. Une sentence d'un an en prison et n'aura pas à s'inscrire comme sex offender, donc violeur sexuel. Il n'aura pas à s'inscrire sur ce registre-là. Il n'y aura pas à faire ça. Pourquoi? Je ne sais pas. un homme a été trouvé coupable après avoir sur Tinder. Ça s'est passé sur Tinder, cette histoire-là. Ça va bien. Ouais, après avoir réussi à comme dérober ou comment dire convaincre la femme de lui donner plusieurs milliers de dollars. OK. Fort, hein? Donc, c'est Brandon Keem, surnommé le Tinder Swindler, donc le crosseur de Tinder, par le New York Post, a reçu une sentence entre 2 et 6 ans de prison après avoir volé des milliers de dollars de femmes sur une application de dating. On se rappelle l'autre qui venait d'avoir des relations avec une femme qui était morte depuis plusieurs heures, il y a eu un an. Oui. Lui a volé de l'argent sur Tinder. On parle de 2 à 6 ans de prison. Juste pour rappeler les faits. Ah, ben oui, tu sais. Je ne fais qu'expliquer. C'est ça. Bref, parmi un paquet de plans élaborés là, par Brandon Keem, il exploitait ses rendez-vous et ses connaissances en volant des dizaines de milliers de dollars à gauche et à droite et en vidant les portefeuilles de ses victimes et leurs comptes en banque. Keem a rencontré 3 femmes sur Tinder et leur a raconté une variation de la même histoire, qu'il avait besoin d'argent pour le traitement de cancer d'un des membres de sa famille. Il a rencontré la première femme sur Tinder en 2015, réussissant à lui prendre 14 000 $. Ouais, hey, excuse-moi, il faut que tu sois un petit peu naïve pour arriver à donner 14 000 $ à quelqu'un que tu connais pas. Pendant vraiment longtemps, en plus, j'imagine. Pas franchement, hey, je donnerais même pas ça à mes parents, elle l'est pas. Elle l'est pas. J'imagine qu'il se trouvait des filles riches, je sais pas. Probablement. Bref, il disait qu'il allait la rembourser, oui. Lui a ensuite écrit un mauvais chèque, donc un chèque qui a rebondi pour 5 000 $. Il a dit à une deuxième femme que sa mère avait un cancer. Il a réussi à avoir 11 000 $. Il a réussi à avoir 23 000 $ d'une troisième femme pendant qu'il était qu'il était sorti de sous caution, de prison. Mm-hmm. Bref, après avoir volé 13 000 $ d'un homme qui l'avait employé, un homme qui l'avait employé, lui, comme promeneur de chiens. Bref, les détails sur le reste des montants d'argent importent peu. Là. Il a plaidé coupable au vol d'identité, avoir commis ou inventé un scénario pour réussir à frauder les gens. Bref, ça peut arriver, faites attention et soyez pas aussi naïfs. C'est clair, ça? C'est terrible. Ensuite, encore une fois, pour avertir que cette chronique est pour un public quand même plus ou moins averti, on parle d'un homme qui a utilisé, tu sais, le truc pour le fer chaud pour les vaches. Ouais. Il a utilisé ça sur ses filles. Pardon? Comme punition parce qu'elles ne faisaient pas leurs tâches ménagères assez rapidement. C'est un homme de l'Iowa, hein, qui a été arrêté, qui a été accusé d'avoir utilisé ce machin-là sur ses propres enfants, selon KCCI. C'est Travis Coker, 36 ans, de Swan. en Iowa, qui a été amené par la police. Donc, après, les autorités ont reçu un petit conseil, un tuyau anonyme, que cet homme-là, qui est père, biologiquement d'une fille et de l'autre, ils se sont pères adoptifs de l'autre fille. Bref, qu'il aurait abusé ces enfants-là avec ce fer chaud. Donc, le bureau du shérif de Marion County a fait son enquête, a formellement accusé l'homme, disant que Coker donnait à ses filles âgées de 11 à 13 ans une heure pour compléter plusieurs tâches ménagères, et leur donner des chocs après 5 minutes après que cette heure-là soit passée, s'il n'avait pas encore terminé. Mais voyons donc. Cattle prod, c'est le truc qui donne des chocs de loin, hein, je pense, et non pas le truc de faire chaud, mais c'est un peu, on va se le dire, pas mal la même affaire, on s'entend. Bref, c'est un bâton qui conduit de l'électricité à haut voltage, typiquement utilisé pour rassembler les animaux à un seul et même endroit. Bon, voilà. Coker et son partenaire, son partenaire qui n'a pas encore été identifié, sa partenaire, pardon, ont deux fils. La police dit que l'homme de 36 ans a performé cette forme brutale de punition sur... non, pas sur les garçons, mais juste sur les filles dans leur famille. Donc, ils ont deux fils, mais ils n'ont pas fait ça à ces deux fils-là. Ce qui est tout à fait correct, alors. Hein? Ben oui, clairement. Ça pardonne tout. Franchement. Bref, il est sorti de prison avec une caution de 5 000 selon le Des Moines Register. Et donc, il va devoir se représenter en cours le 36 janvier. Le 18 janvier, il a 36 ans. Ne pas mêler les lignes. Hein? Ensuite... encore public averti, hein, un homme qui bat vraiment sauvagement une adolescente avec une ceinture qui ensuite rase sa tête à la fille et qui poste la vidéo en ligne. Ça s'est passé en Louisiane. L'homme est derrière les barreaux pour avoir battu présumément une fille avec sa ceinture et avoir rasé ses cheveux après qu'elle ait téléchargé l'application Snapchat sur son téléphone. C'est le Natchez Democrat. Natchez. Je sais comme tellement plus quoi dire. Non, hein. On a arrêté donc Alex Harrison, 30 ans, de Faraday en Louisiane, après qu'il ait posté une vidéo sur Facebook le montrant en train de frapper une fille de 14 ans plusieurs fois sur le dos et sur les jambes avec une ceinture. Le suspect était fâché donc parce qu'elle avait téléchargé, comme je disais, Snapchat alors qu'il était à l'école. Donc il disait que l'école c'était pas pour Snapchat, elle avait pas d'affaires sur Snap de toute façon, blablabla. Une personne a enregistré l'incident, oui, et a encouragé Harrison de continuer ce qu'il faisait. Il y a du monde. Il y a du monde. Hein? Après ça, incroyable. Le suspect, sur cette planète. En tout cas. Et bref, la vidéo s'est rendue aux autorités. Et après avoir vu ça, évidemment, le détective Richard Madison du Faraday Police Department a déterminé que c'était considéré comme de la violence envers les enfants. D'après moi, je pense que ça a comme pas besoin même de la vidéo. Oui, non, c'est ça, exactement. Je suis comme, franchement, c'est logique. Bref, le détective a pas réussi, a pas pu, en fait, a pas voulu confirmer la relation entre le suspect et l'adolescente, étant donné qu'elle a moins de 18 ans et qu'elle est toujours mineure. Donc, ça dit que c'est son père dans l'article, dans la vidéo sur YouTube. Mais bon, ça veut pas dire que c'est nécessairement sa fille. Ensuite, un pirate qui a hacké une prison pour tenter de libérer un ami. Okay. Un pirate donc, qui a pénétré le réseau informatique d'une prison du Michigan pour modifier le dossier informatique de notre détenu. Il a été arrêté et risque maintenant 10 ans de prison. Ça s'est passé entre janvier et mars 2017. Conrad Voigt, un jeune Américain de 27 ans qui a réussi à pirater le réseau informatique de la prison du comté de Washtenaw dans le Michigan. Son objectif était assez ambitieux et voulait aider un ami qui était derrière les barreaux pour le faire sortir plus vite en trafiquant son dossier informatique. Le pirate s'est d'abord appuyé sur des techniques de phishing, donc il a envoyé aux employés de l'administration des courriels les incitant à se connecter sur une copie piégée du site web du comté. Pour mieux tromper ses cibles, il a utilisé une adresse URL proche de l'original, donc en remplaçant les W par le W de Ewashtena, le deuxième W par deux V, comme ça paraît pas trop. Ça laisse pas trop de traces. Ce domaine a été enregistré au travers d'une adresse email bidon. Hein? Cette tentative n'a pas fonctionné. Ils sont plus futés que ça. Donc, Conrad's Voigt est passé au niveau supérieur en procédant à de faux appels téléphoniques. Mais en fait, c'est de vrais appels téléphoniques. Quand on s'entend que tu peux pas faire de faux appels. Non, c'est ça, exactement. Mais bon, trompeur, disons. Pour ne pas se faire repérer, il a utilisé l'application mobile Hushed qui permet de disposer de numéros de téléphone jetables difficiles à tracer. À plusieurs reprises, il a appelé des employés de l'administration en se faisant passer pour un technicien informatique. Il leur expliquait qu'il fallait mettre à jour le logiciel X-Jail, un système de gestion pour les prisons. Et pour cela, il devait télécharger un fichier sur Internet et l'exécuter, ce que certains ont fait. Donc, ils sont pas si futés que ça. Hein? Non. Grâce à ce malware, donc un logiciel méchant, l'homme a eu accès à la totalité du réseau de l'administration du comté, y compris le système X-Jail, les dossiers des détenus, les fichiers de ressources humaines des 1600 employés et les demandes de perquisition. Il a téléchargé certaines de ces données sur un compte box.com, c'est un genre de Dropbox. Il a également modifié la date de sortie sur l'un des dossiers de détenus. L'enquête judiciaire révèle que le pirate n'a pas toujours été très discret durant son opération. Ainsi, il est resté une journée complète connecté au réseau Wi-Fi d'un café. L'un des serveurs a trouvé étrange que ce mystérieux client ne tapait que du code et des commandes. Il l'a pris discrètement en photo par derrière. Mais si Conrad Voigt s'est finalement fait prendre, c'est pour une autre raison. En quittant sur une affaire d'incendie, sur une affaire d'incendie criminel, la police du Michigan a procédé à une perquisition chez le pirate qui était déjà connu des services pour de fausses alertes à la bombe. En arrivant chez lui, les policiers l'ont trouvé assis devant son ordinateur en train de pirater le réseau du comté. L'analyse forensique, donc criminalistique, de ses différents appareils informatiques a permis de révéler tous les détails de son opération de piratage. L'homme a plaidé coupable et risque une peine de prison de 10 ans et une amende de 250 000 dollars US. D'accord. Il a travaillé fort. Yee. Mais il faut payer pour tes crimes. Oui, c'est ça, exactement. Ensuite, toujours en vous rappelant que cette chronique est pour un public plus ou moins averti, c'est un dentiste qui est accusé du meurtre d'un enfant et qui a offert 300 $ US pour tuer la mère du bébé pour ne pas qu'elle puisse témoigner. C'est un dentiste de l'Oklahoma accusé accusé du meurtre de l'enfant de sa maîtresse. Sa maîtresse? Ouais. Il a été accusé d'avoir arrangé que la mère se fasse tuer avant qu'elle puisse témoigner contre lui pour le meurtre du fils de sa maîtresse. Aïe, aïe. C'est Burr Franklin, 36 ans, qui est accusé donc d'avoir battu un enfant de 19 mois, Lincoln Von Henry Lewis, en juillet 2016. Franklin est accusé d'avoir donc frappé la tête de l'enfant au sol, ce qui a tué l'enfant. Le suspect était en relation avec la mère de l'enfant depuis plus d'un an lorsque la mort a eu lieu, mais il était marié à ce moment-là, évidemment. Après avoir autant violenté l'enfant, Franklin l'aurait couché sur un lit là où sa mère l'a trouvé en train de dormir avec ses yeux ouverts, faisant un bruit de ronflement. Attends un peu. Wow, c'est bizarre. Franklin l'aurait mis sur le lit où sa mère l'a plus tard. Est-ce qu'on a plus tard retrouvé l'enfant en train de dormir avec les yeux ouverts et en faisant des bruits de ronflement? On l'a amené à l'hôpital où il est mort de ses blessures le lendemain. Waouh, c'est fou ça. C'est bizarre. La vidéo de surveillance montre présumément Franklin en train de botter et de frapper l'enfant au sol. Mais bon, bref, un mur divisant la vidéo en deux cache l'enfant, donc on peut pas voir tous les détails. Il a dit, évidemment, aux médias News OK, il a dit que non, mais c'est le chien que je frappais. Ah, ben oui. Ce qui est bien mieux. Franchement. Bien mieux. Bref, il était supposé aller en procès, mais c'était remis. Le dentiste a été accusé d'avoir arrangé donc à ce que sa maîtresse soit tuée pour l'empêcher de témoigner contre lui. Il aurait utilisé un téléphone cellulaire en prison pour offrir à un homme 300 $ US pour tuer sa maîtresse. Il aurait manipulé sa femme à lui. Pour lui fournir les 300 $. OK. Évidemment, disant à sa femme que c'était pour des raisons spirituelles qu'il avait besoin de ces 300 $-là. Voyons, c'est sûr. Les collègues prisonniers de Franklin... les collègues prisonniers de Franklin ont comploté avec lui. Mais finalement, ils étaient aussi des informateurs pour la police. Aïe, aïe. Et ces hommes-là ont raconté le tout à la police. OK, ouais, je comprends. Maintenant, elle est accusée de complot pour commettre un meurtre au premier degré. Wow. Mon cerveau est épuisé de cette chronique-là. Oui, j'en doute même pas. Les liens sont sur les notes de l'émission numéro 170 pour Après le crime. On prend une pause. Au retour, un petit peu de toi. Certainement. Et un petit peu de moi. À son logerie. Aujourd'hui. C'est fou! 89. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Assemblage requis en ce lundi 11 décembre 2017. Tania Baudin et Mathieu Plante avec vous pour encore une cinquantaine de minutes. Dans quelques instants, Tania is gonna entertain ya. Avant ça, par contre, en référence à la chronique d'avant où il y avait pas mal de white trash, on écoute Hot Trash avec One More Chance sur C'est Fou. Hello? lost, this is now lost. What is the price of asking you to give me one more? Trash et One More Chance. Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Maintenant, ben on a une absence aujourd'hui. On va le répéter. Oui, faut le dire. Xavier McLeish n'est pas là, donc on se fait des chroniques maison et c'est le moment d'en prendre une petite deuxième portion pour la route de Tania is Gonna Entertain Ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école, et puis maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna do tea! Tania, de quoi est-ce qu'on parle ce deuxième coup? Eh bien, on va parler de nourriture. Nourriture! Ou du moins, ceux qui trippent sur la nourriture, ou du moins, ceux qui trippent à prendre leur nourriture en photo. Ah, les Snapchat, Instagram. Ben, les foodies, en fait. Les foodies, ça englobe vraiment une grande panoplie de tous ceux qui trippent sur la bouffe. Je pense que c'est quasiment ça. Faut les mettre dans une catégorie, ces gens-là, puis je pense que ça rentre bien dans foodies. En fait, aujourd'hui, je m'intéresse à vous, chers foodies, parce que c'est quand même assez intéressant. C'est le fun aussi. On en voit de plus en plus sur Internet. Ceux qui s'intéressent à la bonne nourriture, c'est souvent par eux aussi qu'on va découvrir des petits produits locaux. Et pour vous, chers passionnés de nourriture, eh bien, aujourd'hui, j'ai 5 applications pratiques pour ceux que ça intéresse. Donc, vous savez, là, parce que là, on vient de dire ceux qui snapent, ceux qui mettent ça sur Instagram, ceux qui mettent ça sur Facebook, mais bien souvent, vous allez arriver à faire tout ça grâce à votre téléphone intelligent. Ben oui. Parce que bon, c'est comme ça la plupart du temps que vous allez photographier votre nourriture. On fait tout avec ça. Exactement. Donc, la cuisine, ça cesse pas de gagner en popularité. Les étagères des librairies sont remplies de livres de recettes de toutes sortes ces temps-ci. Je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des innombrables émissions aussi sur la nourriture. Mm-hmm. Donc, Masterchef, les chefs. Est-ce que c'est bon l'émission Coup de Food? Parce que juste Coup de Food... Parce que juste le nom me donne envie de l'écouter. Coup de food, c'est hot comme nom. Je ne sais pas si ça existe, Mathieu. Ouais, ça existe. Faudrait que... Pour vrai? Je pense que. Ça vient d'où? Je ne me rappelle pas, je pense que c'est québécois. Ah, OK. Ouais. Bien, en fait, on oublie parfois qu'il existe de nombreuses applications utiles, en fait, pour les gens qui aiment justement la nourriture, notamment afin de trouver des nouvelles recettes, que ce soit pour écrire sa liste d'épicerie, de commander un repas ou encore avoir des accords mets-vins. Mm-hmm. C'est toujours très plaisant d'avoir quelques applications comme ça sous le pouce pour justement se débrouiller à arriver à être un meilleur ou une meilleure foodie. Ça fait un coup de foudre, là, c'était Évasion, c'était avec Sébastien Benoît. Ah ben, Moses, je savais pas ça. Ouais. La première application, c'est Oshi Glows. C'est une application du même nom que le célèbre blog d'Angela Layden qui propose des recettes végétaliennes. Donc, ça vaut la peine de la télécharger simplement pour zioter la superbe interface. Là. C'est incroyable. Ouais. Les images qu'elle a dessus, c'est... Ces recettes-là... Ça donne faim, mettons. Est-ce qu'elle les vend ou est-ce qu'elle les donne? Donc, vous n'avez pas nécessairement à devoir débourser de l'argent pour vous procurer les livres de la blogueuse. On aime particulièrement les livres qui sont vegan, ceux qui sont sur les jus aussi. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais Oshi Glows, c'est l'application qui va faire en sorte que vous allez pouvoir retrouver tout ça sous votre même téléphone. Sinon, on a l'application Checkout 51. Si vous aimez économiser pendant que vous faites l'épicerie, c'est une application pour vous, mesdames, messieurs. Vous allez pouvoir consulter chaque semaine pour prendre connaissance des différents produits qu'il y a en rabais. Vous allez pouvoir faire vos achats et lorsque vous allez avoir fait vos achats, vous allez juste à prendre en photo votre reçu qui va comprendre les produits énumérés, bien évidemment, dans l'application. Et les dollars vont s'accumuler dans votre compte. Ah. Vous allez pouvoir empocher des gains. C'est un petit peu comme une carte fidélité, en okay. fait. Et lorsque vous allez atteindre un montant de 20 $ l'argent va être envoyé sous forme de chèque par la poste. Wow. Donc ça, on aime ça aussi. C'est différent, en fait, que de devoir tout entraîner notre carte épicerie. C'est le fun aussi parce que ça va être directement relié avec ce qu'on achète. Sinon, une autre application, ça s'appelle Just Eat. Je pense qu'il y en a beaucoup qui savent déjà qu'est-ce que c'est. C'est si vous n'avez pas envie de cuisiner après une grosse journée au travail, bien vous pouvez télécharger Just Eat. En fait, c'est une application de livraison de repas à domicile et vous allez juste avoir besoin d'entrer votre adresse. Une liste de restaurants à proximité qui offre la livraison va s'afficher et une fois le restaurant choisi, le menu va apparaître. Vous allez avoir à cliquer sur la nourriture que vous désirez commander et par la suite, bien ça s'ajoute à votre panier et vous allez pouvoir recevoir votre nourriture comme ça par livraison. Il y en a à Trois-Rivières, si je me rappelle bien, c'est un restaurant libanais du coin qui en... Si je me souviens bien, oui, exactement. C'est le fun parce qu'en fait, si vous êtes dans une grande ville, vous allez pouvoir utiliser aussi cette application-là. Si, par exemple, vous êtes à l'hôtel ou vous êtes chez des amis, vous ne voulez pas nécessairement sortir, vous voulez juste commander quelque chose, bien Just Eat, c'est un petit peu l'application que vous voulez avoir en tout temps sur vous, considérant justement cette réalité-là là, qu'on ne veut pas nécessairement tout le monde tout le temps devoir se rendre au restaurant. Ouais. Par la suite, une application quand même assez pratique pour les foodies en vous, bien c'est l'application de la SAQ. Pour ceux qui sont pas nécessairement de grands amateurs de vin, mais qui veulent quand même en découvrir un petit peu plus. C'est sûr que vous êtes pas nécessairement des sommeliers ou des sommelières à en devenir, et l'application de la SAQ, c'est extrêmement utile pour trouver un accord mets-vin qui va être réussi. Donc, vous allez pouvoir vous connecter à votre compte qui va être associé à votre carte Inspire et vous allez pouvoir consulter comme ça des petites recommandations de produits selon vos préférences. Vous allez avoir accès aussi, bien évidemment, à votre historique d'achat afin de pouvoir, par exemple, retrouver... Le Porto que tu avais acheté. Ben, c'est ça, exactement. T'sais, vous avez trippé sur un vin, vous vous en souvenez pas, mais vous allez pouvoir retourner dans votre historique avec l'application de la SAQ et il y a une autre fonction aussi qu'on aime avec cette application-là. C'est maintenant possible de vérifier la disponibilité d'un produit avant de se déplacer en succursale. Ah, c'est le fun. Ça, on adore ça. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est si vous voyez que c'est pas disponible pendant le moment où vous le désirez, vous pouvez appeler à la succursale et le faire commander. Donc, de cette façon-là, vous n'aurez pas besoin de vous déplacer et vous allez le savoir directement sur l'application. C'est merveilleux. Sinon, Kitchen Stories, c'est une application qui vous permet de trouver rapidement des bonnes recettes en utilisant l'outil de recherche ou en sélectionnant des catégories comme, par exemple, barbecue ou plat cuisiné en 20 minutes ou temps des fêtes. Donc, on va y aller par catégorie et après avoir choisi un repas, bien, vous allez regarder des vidéos qui vont vous présenter des trucs culinaires qui sont un peu plus instructifs que ceux qui sont présentés, par exemple, dans les recettes pompettes. Et vous allez pouvoir consulter aussi des photos qui vont correspondre à chaque étape de la recette. Donc, vous allez voir, en fait, de quoi votre recette est censée avoir l'air à ce moment-ci de la préparation. Et vous pouvez même utiliser cette application-là pour écrire votre liste d'épicerie aussi. Tout à l'heure, on parlait de l'autre liste d'épicerie qui est Checkout 51. Eh bien, de ce côté-là, vous allez pouvoir faire votre liste d'épicerie en cuisinant. Ce qui veut dire que si vous aimez une recette, vous allez pouvoir tout simplement décider de la garder en historique pour pouvoir aller acheter tout ce que ça prend pour pouvoir la refaire. Sinon, c'est le temps des fêtes. Je pense que chaque personne connaît quelqu'un près d'eux qui trippe sur la nourriture. Ben oui. Une espèce de foodie dans une famille, il y en a tout le temps un ou plusieurs. Et c'est assez difficile parfois d'arriver à trouver des idées cadeaux pour ces gens-là. Parce que, bon, on connaît peut-être pas non plus leur goût culinaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter dans le temps des fêtes pour les gens qui trippent sur la nourriture? Eh bien, je pense que le premier point qu'on se doit de dire, c'est un livre de recettes. Il y en a beaucoup qui trippent, que ce soit par trois fois par jour ou encore les différents différents foodies là, qui se sont lancés dans la dernière année. Il y en a plein, que ce soit vegan, que ce soit sans lactose, que ce soit, mon Dieu, végétarien, végétalien, peu importe. Vous en avez vraiment pour tous les goûts. Si vous tripez simplement sur la viande aussi, il y en a des livres de recettes juste sur la viande. Donc, pour ceux qui tripent à faire de la nourriture, bien, je pense que le livre de recettes, c'est un incontournable. Sinon, on peut y aller avec un tablier. Vous savez, les gens qui font de la nourriture, souvent, on pense pas à ça, mais ça veut pas nécessairement dire qu'ils ont un tablier. Et un beau tablier, ben, ça peut être difficile à trouver, comme ça peut être intéressant aussi à aller chercher. Ça peut être intéressant aussi à recevoir, parce que c'est sûr que la personne qui fait des tartes à toutes les semaines, ben, elle va être vraiment très contente de recevoir un tablier qui va avoir, qui va pas nécessairement avoir pris du temps à faire, mais qui va avoir été pensé. Parce que ça veut nécessairement dire qu'à chaque fois que votre foodie va faire une pâte à tarte ou peu importe, bien, va automatiquement passer à vous en mettant son tablier. Oh. C'est le fun, quand même. Oui. C'est encore mieux si c'est votre chum ou votre blonde. Là, mais, kiss de chef, hein, c'est exactement. Il y a des tabliers qui sont de qualité supérieure, sachez-le, qui sont faits à la main au Québec, 100% coton, légèrement ciré et résistant à l'eau. Bon, c'est sûr que ça se détaille aux alentours d'une centaine de dollars, mais ça vaut la peine de chercher ce genre de tablier-là, de chercher des tabliers pour les gens qui trippent sur la nourriture. Sinon, on a toujours les bonnes vieilles ensembles découvertes. Mm-hmm. Donc, ce sont des petites boîtes ou des ensembles cadeaux avec des produits à l'intérieur. Souvent, ça va se trouver dans les centres d'achat, ça va se trouver aussi dans les épiceries, bien souvent. Et ça va être des petits produits que la personne qui tripe sur la nourriture va pouvoir consommer tout en l'associant, en fait, avec quelques recettes qu'il va pouvoir développer. Certaines choses aussi à laquelle on pense pas nécessairement, c'est des planches à découper. Des planches à pouvoir faire de la nourriture. Donc, planches à découper, là, il n'y a pas d'autre terme pour ça. Il y en a des centaines et des centaines, et il y en a vraiment pour tous les goûts. On a un gros trip de bois ces temps-ci, je pense, pour les gens qui sont assez sur Internet, qui sont assez sur Pinterest aussi. Je pense que le bois revient à son essence même. Donc, les choses qui sont faites localement, mais qui sont faites aussi à la main, quand on parle d'une belle planche à découper, la plupart du temps, c'est ça qu'on va vouloir rechercher. Quelque chose qui a été travaillé, quelque chose qui est brut aussi. Et si vous êtes de ceux qui trippent sur le marbre ou bien encore le béton, bien sachez que ça existe aussi des planches à découper qui sont très très belles, associées bois, marbre. Je pense que ça fait ça peut faire un ensemble cadeau pour quelqu'un qui tripe sur la nourriture qui va être incroyable. Sinon, ma dernière idée cadeau, en fait, pour ceux qui aiment bien la nourriture, c'est tout ce qu'on va pouvoir retrouver dans un pot maçon. Parce que la plupart du temps, on n'y pense pas, mais il va y avoir des ingrédients secs pour une recette qu'on peut très bien associer nous-mêmes si on n'a pas nécessairement un gros budget. On peut arriver à faire quelque chose dans un pot maçon qui va venir justement s'associer avec la passion de quelqu'un qui tripe sur la nourriture ou sur les recettes. Sinon, bien évidemment, quand on parle de pot maçon, bien tout ce qui est souple, là, quand on parle d'ingrédients secs, bien biscuits, brownies, soupe, cocktail aussi, parfois ça peut être une petite canette de liqueur avec une petite bouteille de fort attachée au pot maçon, ce qui va faire en sorte que ça va être assez cute si vous mettez du temps à ce petit pot maçon-là. Sinon, ça peut être des ingrédients secs aussi pour un chili, des crêpes. Il y a vraiment là, des centaines et des centaines de recettes d'ingrédients secs comme ça qu'on peut retrouver à l'intérieur d'un pot maçon et qui... Ça va amener de la joie, en fait, à cette personne-là qui tripe sur la nourriture dans votre famille, comme ça, pas de bon sens. Ah, cute! Oui! Merci, Tania. Ça fait plaisir. Donc, la deuxième chronique de Tania is gonna entertain ya pour aujourd'hui. On en fait une par jour habituellement, donc on se retrouve demain pour ça. Certainement. On va se quitter avec une petite chanson. Tu te rappelles, dans le temps, on avait Françoise qui nous chantait Coconut Motel? Oui, ben oui, je me souviens. Je pense que c'est ouvert sa propre auberge. Ah ouais? Chez Françoise. Chez Françoise? C'est par le band Dave Shows. Ça n'a absolument rien à voir Dave avec Françoise. Dave Shows. Rien à voir. Que l'été, le glacé. Quand je suis hangover, je m'en rappelle, elle gosait. betyget mer kjøset i en glasé. Du dépanneur à côté de chez nous, viens-tu voir ces fous si on se croit chez François. Je sais que je m'en vais, mais tu goûtes meilleur que ce sera. J'y n'allô. Du dépanneur à côté de chez nous, viens, tu vas voir, c'est fou si on se croit chez François. Ça va. Ça manquait au Québec, hein, des chanteurs folk qui se plaignent de même. Ça. Avec un nom de Ben qu'on comprend pas. Dave Chose, qu'on vient entendre avec la pièce chez Françoise, qui n'a rien à voir avec la chanteuse Françoise de Nous Palmarès. Mais non. Ça n'a rien à voir, c'est juste un gag. Exactement. Alors, on prend une pause au retour, les instructions d'assemblage. Assemblage pour toi aujourd'hui. C'est fou, 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Toujours dans l'émission matinale, Assemblage Reiki, oui. Accompagné de Mathieu Plante. Et de Tania Baudin. Eh bien, ouais. Mm-hmm. Chacun de tout aujourd'hui parce qu'on n'a pas de chroniqueur ben aujourd'hui. C'est comme ça. Alexander qui a fait sa chronique tantôt, mais quand même, dans une émission de 3 heures, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on s'envoie la balle d'un bord à l'autre de la table. Et là, c'est à mon tour. On va se dire quoi faire pour bien vivre dans les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Les instructions d'assemblage, la chronique où on se dit comment mieux vivre. On commence sur Internet aujourd'hui. Est-ce que t'as une application pour lire les articles plus tard? Tu sais, le Pocket, Instapaper. Oui. Des trucs comme mais ça. Mais je l'ai pas parce que je me l'envoie sur Messenger. Ah, OK. Ben, c'est une autre façon de faire quand même. Un petit peu moins pratique, mais quand même. Ça dépend, en fait, parce que comme ça, j'ai accès n'importe où. Ben, Pocket et Instapaper aussi. OK. Ben, c'est ça. Bref. Ben, Instapaper, je l'ai essayé. Puis, ça me tombait sur les nerfs. Je sais pas pourquoi. On dirait que c'est l'interface, en fait, que ouais, j'appréciais pas nécessairement toi. Beaucoup. C'est très, très le devoir. C'est très ça. Minimaliste. Pocket est un petit peu plus joli, plus cute, mais il y a un désavantage que Pocket a, que Instapaper a, mais que Pocket a pas, c'est la durée des articles. Sur Instapaper, ça va te dire, bon, l'article, ça va prendre 12 minutes pour le lire. OK. J'aime ça. Pocket fait pas ça. Sauf si t'as une extension. Oh! Pour Pocket qui vous dit le temps que ça va durer, un article. C'est parfait pour quand vous êtes dans le métro, dans le taxi, dans l'autobus, peu importe. Moi, c'est là que je lis mes articles dans mon Instapaper. Certainement. Donc, un article qui mesure 400 mots versus 14 000 mots, c'est un petit peu différent. Oui, hein? oui, tout à fait. Tu sais, comme là, dans ma comment t'appelles ça? Dans ma file d'attente, j'ai un article sur la vie du président Trump en ce moment et comment il regarde la télé là, à chaque heure de la journée. Hein. Ça dure 19 minutes. Oh, t'sais, OK. Ça me le dit dans mon Instapaper. Ben justement, dans Pocket, il faut Minute Pocket, un Minute Trait d'Union Pocket, qui va classer vos articles Pocket et va vous donner donc, le temps estimé de lecture pour chacun. C'est très, très simple. On visite le site, on lui donne la permission de se connecter avec son compte Pocket. On entre son courriel et on reçoit une notification lorsque les temps ont été calculés. Bien sûr, il y a le même désavantage que dans Instapaper, c'est que des fois, tu vas avoir des articles qui vont te dire une minute ou zéro minute. C'est parce qu'il comprend une vidéo dedans. Et la vidéo, oui, ben, il sait pas combien de temps elle dure. Malheureusement, c'est pas assez intelligent pour ça. C'est vraiment seulement le texte qui compte. Donc, faut faire attention un petit peu. Mais moi, j'aime bien dans Instapaper classer par ordre de plus court au plus long. Et de me clencher quelques nouvelles pour essayer de baisser mon nombre qui s'affiche sur mon icône pour me stresser un petit peu. Est-ce que ça s'affiche par jour aussi, quand tu l'as mis là? Par jour, dans le sens de... Est-ce que t'as la date de quand tu l'as mis dans Instapaper et Pocket? Je pense que non. Aha! C'est par ordre... Ben, tu peux le mettre par ordre décroissant. En fait, ça sait quelle date que c'est, OK? Parce que ça les met en ordre de quand tu les as ajoutés. Mais ben, tu peux classer genre du plus vieux au plus récent ou du plus récent au plus vieux, mais tu sauras pas qu'il a été posté le 11 décembre, à moins de cliquer dessus. OK. Tu comprends? Je comprends. Bref, j'aime beaucoup Instapaper et Pocket. Prenez celui qui vous tente. Essayez les deux. J'ai déjà utilisé les deux. J'ai passé de l'un à l'autre plusieurs fois. Présentement, c'est Instapaper. Mais bon. Hein, ça change des fois. Mm-hmm. Ensuite, on a un article ici sur le site Offspring qui nous dit pourquoi on devrait arrêter de donner des cadeaux aux enfants, des cadeaux jouets. Hein? C'est une étude des chercheurs de l'Université de Toledo qui nous dit que les jeunes enfants, les jeunes bambins qui reçoivent moins de jouets étaient plus créatifs, nous dit-on, dans leurs jeux. Parce qu'ils avaient moins de jouets, donc j'imagine qu'il fallait qu'ils trouvent quelque chose plus créativement pour jouer. Donc on dit d'arrêter d'acheter des cadeaux physiques. Ils ont placé 36 enfants entre 18 et 30 mois dans différentes sessions de jeu. Un groupe avec 4 jouets dans la pièce et l'autre avec 16 jouets. Les objets variaient. Certains étaient opérés par piles, d'autres avaient des roues. D'autres leur enseignaient des concepts comme les formes ou les chiffres. Et dans l'environnement, avec 4 jouets seulement, les enfants jouaient avec leurs jouets 108% plus longtemps et jouaient avec eux de façon différente. Donc, à place de passer d'un jouet à l'autre, ils profitaient plus de leurs jouets. Puis ceux qui avaient de moins en moins de jouets, ben, j'imagine, se trouvaient d'autres choses à faire. Bon, hein? C'est à bien y penser, voilà. Ensuite, on nous dit d'arrêter de se plaindre de ce qui nous dérange et de plutôt les éviter, les choses qui nous dérangent. Ben ouais. OK. Pourquoi facile pas? À dire, là. Facile à dire. Facile à dire. C'est Marcus Aurelius qui pense qu'on perd notre temps avec les choses qui nous dérangent. Ce que ça veut dire, donc, c'est qu'on devrait arrêter de perdre notre temps à essayer de comprendre et de gérer les choses, les nuisances de la vie. Si t'aimes pas quelque chose, pas le manger, hein, tu fais juste l'éviter. Si tu t'aimes pas le chemin que tu prends, change-le. Mm-hmm. Hein? Donc, arrêter de se plaindre, de juste éviter les problèmes. Bon. Je sais pas si c'est un grand, grand conseil. Si on nous donne d'autres exemples. Par exemple, il y a trop de bruit dans le bureau, ben arrête de chialer sur ça, mets-toi des écouteurs qui bloquent le bruit. Hein? Si tu détestes que ta télé soit trop loin de ton divan, approche ton divan. Hein? Oui, oui. À la place de chiale. Ouais. C'est vrai, c'est pas fou, par exemple. Pas fou. Mais bon, c'est pas l'affaire la plus compliquée à comprendre. Non, c'est ça. Ensuite, les gens écoutent et se souviennent mieux des choses s'ils écoutent par leur oreille de droite. Hey, tu veux-tu que je te dise quelque chose de quand même assez drôle? Raconte. J'entends tellement moins bien de la gauche que de la droite. Moi, je pense que c'est le contraire, il me semble. Je suis pas sûr. Puis pourtant, je suis gauchère, fait que je sais pas vraiment ce qui fait en sorte que mon côté gauche... si j'ai un écouteur, ça va tout le temps être du côté droit. J'entends tellement mieux du côté droit. Moi, je fais le contraire. Je mets mon écouteur à gauche, mais surtout parce que des fois que tu me parlerais, je veux t'entendre. C'est ça. Fait que ça tu m'entends du côté droit. C'est ça. Mais t'as raison. C'est vrai. Bref, si t'as de la difficulté à entendre dans une situation où il y a beaucoup de bruit, tu devrais peut-être tourner ta tête, nous dit cet article. Donc, c'est une recherche qui nous apprend que les gens de tous les âges dépendent plus de leur oreille droite que leur oreille gauche et se souviennent plus de l'information si elle passe par l'oreille de droite. Donc, c'était présenté à une réunion annuelle de l'Acoustical Society of America en Nouvelle-Orléans le 6 décembre dernier. On nous dit donc que les oreilles des enfants fonctionnent différemment de celles des adultes. Les précédentes études nous apprenaient donc que les systèmes auditifs des enfants pouvaient séparer et gérer l'information qui se passait par les deux oreilles en même temps et se fiait plus sur le chemin auditif qui venait de la droite. Donc, se fier sur l'oreille droite, ça descend alors que les enfants arrivent à leur adolescence, mais on nous apprend quand même que dans certaines situations, la dominance de l'oreille droite persiste jusqu'à l'âge adulte. On nous dit donc qu'on va gérer l'information qui passe par nos deux oreilles. Pour étudier ça, les audiologues de l'université Auburn ont étudié donc 41 sujets adultes entre 19 et 28 ans dans un laboratoire pour compléter un test d'écoute où ils devaient entendre différentes choses dans leurs deux oreilles. Et ensuite, ils étaient supposés porter attention seulement aux mots, aux phrases ou aux nombres qu'ils entendaient dans une oreille en ignorant ce qui se passait dans l'autre oreille. Et ensuite, on leur demandait de répéter tous les mots qu'ils avaient entendus dans leurs deux oreilles. Bref, les chercheurs ont augmenté le nombre d'articles, de sujets qu'ils devaient entendre et dont ils devaient se rappeler. Et plus le test de mémoire était difficile, plus la performance variait entre les deux oreilles. Même si les deux oreilles performaient de façon égale lorsque les gens se faisaient demander seulement de se rappeler de quatre mots environ, plus le nombre était élevé, plus la différence devenait apparente. Mm-hmm. Donc plus il y avait de mots, plus c'était d'un côté que ça se passait. On dit que lorsqu'on leur demandait de focusser sur des informations qui entraient par leur oreille de droite, la performance des gens côté mémoire augmentait en moyenne de 8%. Pour certaines personnes, le résultat était encore plus dramatique. Une personne a performé 40% mieux en écoutant les choses qui se passaient dans leur oreille de droite. Ah! Fou, hein? Ben oui. Ben oui. Ensuite, si ça te pique sur un bras, tu devrais essayer de te gratter sur l'autre bras pour te soulager. Ça s'applique seulement aux gens qui ont le bras peut-être dans un plâtre ou autrement incommodé, bien sûr, qui ne peuvent pas se gratter. Par exemple, si vous avez une condition, genre des galles sur la peau, je sais pas trop quoi, vous pouvez pas vous gratter là. Ben, vous pouvez vous gratter l'autre bras. Ah, OK. Dit-on, en vous mettant, on dit en fait que l'étude nous suggère une façon intéressante de se gratter là, on parle de bras ou de jambes, là, c'est de se mettre devant un miroir et de gratter l'autre membre opposé. Donc, si ça te pique sur le bras gauche, tu te regardes dans un miroir et tu grattes le bras droit, tu vas te sentir un petit peu fou, mais ça pourrait quand même soulager la chose selon l'étude qui a été publiée dans le journal Plus One. Les chercheurs ont fait plusieurs études, ont fait une paire d'expériences où ils ont artificiellement injecté de l'histamine dans le bras du sujet pour que ça pique, pour que ça gratouille. Et on les a mis devant un miroir et on leur a demandé de gratter l'autre membre. Et dans les deux expériences, gratter ce membre qui ne piquait pas atténuait la perception ou l'impression que ça picotait sur l'autre bras, mais seulement devant le miroir. Wow! Même si tu sais que tu grattes pas le bon, ouais, ça va quand ça. Même te calmer. C'est drôle, pareil. Illusion visuelle. Exactement. Eh ben, on joue sur le mental. C'est ça. On dit que c'est important de noter que les participants dans le groupe, c'était quand même peu de gens. 26 hommes entre 19 et 38 ans dans la première expérience. Et puis ça a descendu à 20 personnes après avoir continué le test. Donc quand même, c'est pas nécessairement super fiable, mais vous pouvez essayer quand même. Ben oui, tout à fait. Ensuite, on vous suggère de poser une certaine question à la fin de votre entrevue pour un nouvel emploi pour terminer ça sur une bonne note. Hein? À la fin d'une entrevue pour un emploi, il y a toujours un moment inconfortable, un peu où tu te sens mal à l'aise et tu te demandes si tu devrais continuer la conversation, commencer à dire au revoir. Mais si tu poses une question positive, tu peux terminer ton entrevue sur une bonne note. C'est Marshall Dar sur Medium qui me suggère donc que lorsque l'intervieweur termine les choses et vous demande si vous avez d'autres questions, vous devriez leur demander en fait de parler de leur propre expérience à la compagnie. Donc on suggère de poser la question suivante. Je me demandais, c'est quoi ton meilleur moment jusqu'à maintenant pour la compagnie? Hey boy! Tu demandes ça à ton intervieweur. OK. Je sais pas. Je sais pas, pendant l'entrevue? À la fin de l'entrevue, est-ce que t'as d'autres questions? Oui, je me demandais, tu sais, c'est quoi ton meilleur moment jusqu'à maintenant dans la compagnie? Ça a l'air un petit peu cheesy. Ouais. Mais apparemment que ton employeur potentiel va aimer ça discuter de la compagnie pour laquelle il travaille. Ça dépend comment qui est, parce que si c'est une personne très très froide, déjà en partant, pas sûr que tu vas avoir une chance d'y faire sortir les verres du nez. C'est ça, mais là on demande la meilleure expérience, pas la pire. Là, ça pourrait être malaisant pas mal. Hein? Non, c'est ça. Donc, ça, on dit que ça pourrait finir sur une bonne note et qu'il va se souvenir de vous pour avoir posé cette question-là. Simple quand même, mais ça te donne un petit ton optimiste à la fin de l'entrevue. Ah, OK. Et si votre intervieweur n'arrive pas à trouver un souvenir positif comme ça devant vous, ben on dit que c'est un drapeau rouge par rapport à votre nouvel employeur. Oups. Oupsie. Ensuite, tiens, on parle encore d'emploi. C'est Harvard Business Review, un petit quiz qui vous permet de savoir si vous êtes en danger d'être slacké à l'emploi. OK. Des fois, ça arrive, tu perds ton emploi, c'est pas ta faute, ça peut être une réduction d'employé, quelque chose comme ça. Donc, si tu penses que ton poste est en danger, Harvard Business Review a un petit quiz pour le savoir. OK. Hein? On va aller on voir le ça. On va aller voir ça. Je te pose des questions, OK? OK. C'est un petit peu, je vais finir l'article pendant ce temps-là, qui vous donne donc une petite impression de votre sécurité d'emploi et ce que vous pouvez faire pour l'améliorer. Un quiz assez simple, mais si vous êtes curieux, ça pourrait être bon pour vous. Le vlog a fini de charger. On teste ça pour vous, cher auditeur. Voilà, et oui. OK, bon, on est parti. OK. Question numéro 1. Oui. La dernière fois où tu avais l'impression d'être dépassé par ton emploi, donc over your head, comme tu sais, ça te va par-dessus la tête, la dernière fois que tu t'es senti comme si ça en avait par-dessus la tête. Est-ce que tu es sûr de vouloir faire le quiz? Est-ce qu'on est sûr de vouloir participer à ça en nombre, mettons? Bon, mettons, on prend l'exemple d'un emploi étudiant. Oui, un emploi étudiant typique, là, c'est pas nous. Travaille dans une boutique, mettons. Mettons. À ce temps-ci de l'année, je dirais oui. OK, mais attends un peu. La dernière fois où tu t'es senti genre vraiment trop comme par-dessus la tête, il y a un an, 6 mois à un an, 3 à 6 mois, 1 à 6 mois ou dans le dernier mois? Réponds honnêtement là, par rapport à quelqu'un qui travaille dans une boutique. OK, quelqu'un qui travaille dans une boutique, je dirais 3 à 6 mois. 3 à 6 mois. Ouais. Je suis au courant des événements qui se passent dans le monde et des tendances dans mon industrie. Est-ce que tu es en désaccord, un peu en désaccord, un peu en accord ou fortement en accord? Si je suis un étudiant typique qui travaille dans une boutique, je dirais que je suis au courant, ouais. T'es au courant, donc pas mal. Strongly? Ouais. Fortement? Fortement. Fortement. Donc, prochaine question, c'est je suis essentiellement dans le même emploi, même si mon titre a peut-être changé. Tout ça depuis plus de 5 ans, 3 à 5 ans, 2 à 5, 2 à 3 ans, 1 à 2 ans ou moins d'un an. Bon, étudiant typique, boutique. Si je suis à l'université, je dirais que je peux travailler dans la même boutique depuis peut-être 2-3 ans. 2-3 ans, pas mal, oui. Ouais, OK, ouais, je vais dire 2-3 ans. Parfait. Mon emploi me donne de nouvelles opportunités pour apprendre et pour grandir dans l'industrie. Donc, t'es en désaccord ou encore une fois la limite? Emploi étudiant, je veux dire, je suis en désaccord. Désaccord complet, parfait. Ensuite, je réfléchis constamment sur ce que j'apprends au travail. C'est la même échelle, désaccord à accord. Je suis d'accord. D'accord, normal, pas fortement d'accord. Ouais, d'accord. C'est ça, je suis d'accord. Pour développer de nouveaux talents, je suis prêt à risquer de ne pas performer à mon meilleur dès le départ. Je suis en désaccord. Désaccord complètement? Ouais. Parfait. Lorsque je suis en désaccord avec quelqu'un au travail, je pose des questions sur leur point de vue avant de prendre une décision. Même étudiant typique, le client a toujours raison, fait que je veux dire, je vais pas répondre oui à ça. Donc, tu es en désaccord. Je suis en désaccord. Parfait. Lorsque de nouvelles personnes viennent travailler pour la même compagnie que moi, ils ont l'air d'avoir des idées qui sont très différentes des miennes. Ah, je vais dire en accord. OK. T'as l'air d'être douteuse, je vais dire pas mal en accord. Ouais, c'est ça, OK. Je suis à jour et de mes aptitudes sur les technologies émergentes qui affectent mon industrie ou mon travail. Donc, je suis à jour, je peux utiliser ces techniques-là. Ben, je suis un milléniaux, je suis une milléniale. Fait que je vais dire oui, je suis d'accord, fortement d'accord. D'accord, fortement d'accord. Je cherche régulièrement des commentaires de la part de mon patron et d'autres sur ma performance et sur mes aptitudes. Si je travaille en boutique, je vais dire non. En désaccord. Ouais, désaccord. Mes contacts les plus rapprochés de moi dans mon réseau sont diversifiés en termes d'industrie, de géographie, d'âge, de genre, de race et d'historique. Fortement d'accord. Fortement d'accord. Je ne sais pas, il en reste combien, on va continuer. Mon éducation me qualifie pour l'emploi que j'aimerais avoir dans le futur. Fortement d'accord. Fortement d'accord. Lorsque j'ai un problème au travail, ça me prend un bon bout de temps avant de m'en remettre. En désaccord. T'as l'air pas sûr, donc pas mal en désaccord. Ouais, okay. Les gens avec qui je passe le plus de temps au travail m'inspirent, me donnent de bonnes idées et sont des experts dans ce qu'ils font. Ben là, si je travaille en boutique, des experts en boutique, là, j'imagine que, ouais, là, fortement d'accord. Fortement d'accord. Je suis un expert dans mon domaine. Les gens de l'intérieur et de l'extérieur de mon organisation demandent mes conseils et me demandent mon opinion, me demandent, bon... Ben, ouais. Si je travaille en boutique en tant qu'étudiante, je vais répondre de plus ou moins. Là. Plus ou moins, donc pas mal en désaccord, ouais. Si on veut. Je vais soumettre en espérant que tout fonctionne. Donc, ton score est de 3,3 sur une échelle qui a l'air d'aller jusqu'à 10, pas mal. Malaise. Donc, êtes-vous en danger de devenir obsolète? Ta réponse, ce serait modérée. OK. Donc, tu as des stratégies efficaces pour te préparer pour demain, pour le futur, mais tu pourrais faire mieux. Tu devrais essayer quelques-unes des suggestions qui sont dans l'article sur hbr.org. Donc, comme trouver une raison d'avancer, pousser à travers tes peurs, savoir quand désapprendre des choses, surveiller les nouveaux dans ton domaine, trouver, c'est pas mal ça finalement, donc ouais. Sur le site de Harvard Business Review. C'est sur la ligne, mais un petit peu en bas de la ligne, ton risque est plus faible que la moyenne, donc 3,3. Okay. La moyenne est pas mal, en fait, t'es juste un petit peu en haut. La moyenne, c'est le triangle, le losange rouge. Je vois. T'es le point bleu, t'es à 3,3, alors que la moyenne est à 3,3. La moyenne est à 3,3, t'es à 3,2. OK. Risque faible, modéré. Voilà. Ensuite, on était en train de parler d'emploi. Est-ce qu'on change de domaine? Non, on reste dans le même domaine. Avec les employeurs qui jugent l'apparence lorsqu'ils considèrent quelqu'un pour une promotion. Les employeurs, ben oui, jugent l'apparence. C'était peut-être pas ça, mais c'est de même. Dans un sondage de Career Builder, les employeurs se sont fait demander ce qui les empêche de donner une promotion à un employé. Même si l'attitude et la présence au bureau sont des facteurs qui sont très importants, ils avaient aussi quelque chose à dire sur ce que les employés portent. Donc, Career Builder a demandé à 2000 gérants de ressources humaines partout aux États-Unis. 62% ont dit que une attitude négative ou pessimiste et se présenter en retard au travail peuvent faire mal aux chances d'un employeur, oui, d'un employé ou d'avoir une promotion, finalement. Mm-hmm. Ils ont aussi listé quelques facteurs basés sur l'apparence qui pourraient leur empêcher d'en donner une promotion. 44% avaient moins de chances de promouvoir un employé qui portait des vêtements provocants au travail. 43% ceux qui portaient des vêtements fripés. 32% qui portaient des piercings autres que traditionnels, donc à l'oreille. OK. Et 27% avaient moins de chances de promouvoir un employé qui portait fréquemment des vêtements trop relax pour le bureau. Évidemment, c'est subjectif et ça dépend du bureau, mais c'est ce que Career Builder a trouvé. Ensuite, on parle encore une fois d'emploi. On dit d'envoyer un petit suivi avec un courriel. Donc, lorsque vous voulez faire un suivi après une entrevue pour un emploi, vous voulez pas être gossant, mais vous voulez quand même envoyer un petit quelque chose pour montrer ton intérêt. Hein? Ouais. Et c'est pas que ton courriel ressemble à celui de tous les autres. Donc, une façon de poliment te démarquer des autres applicants. C'est Adrian Granzella-Larson, qui est rédacteur en chef de The Daily News, qui nous suggère non seulement de faire un petit suivi, mais de le faire d'une certaine façon. Il recommande d'ajouter un « pendant ce temps » à votre courriel, qui va décrire ce que tu as accompli professionnellement depuis que tu lui as parlé la dernière fois. Donc, un exemple, ça pourrait être quelqu'un, qui applique pour un emploi et dit « Bon, bonjour, j'espère que vous avez passé une belle semaine, blablabla. Vous avez mentionné que vous alliez me contacter avec les prochaines étapes et je voulais juste, check-in, juste voir ce qui se passait. » Et là, ça dit « Pendant ce temps, je voulais partager une campagne de réseaux sociaux que j'ai lancée cette semaine, qui a déjà plus de 5000 partages. Hein? » Donc, tu rajoutes un petit quelque chose que tu as accompli depuis pour peut-être lui faire dire « Ah, ben, Colin, c'est une bonne idée. » Ben oui. J'haïs pas ça. Un « pendant ce temps. Hein? » La question qu'on devrait poser avant de donner un conseil à quelqu'un. Lorsque quelqu'un te demande un conseil, ça peut être difficile de lui dire exactement ce que tu veux lui dire. Ouais. Tu voudrais lui offrir des perles de sagesse, voilà. C'est Ramit Sethi de chez I Will Teach You to Be Rich qui nous explique que les gens qui cherchent des conseils, en fait, cherchent quelque chose de complètement différent de ce que tu penses. Peut-être qu'ils veulent juste se plaindre sans admettre qu'ils vont se plaindre. Ou peut-être qu'ils veulent juste, oui, que tu leur dises que tout va bien aller. Hein? Donc, la seule façon de savoir s'ils veulent vraiment ton opinion ou juste se faire assurer, c'est de leur demander par curiosité, t'es sérieux comment? Est-ce que t'es vraiment sérieux dans ce que tu demandes? Donc, leur réponse va vous dire s'ils veulent se faire réconforter ou avoir vraiment de vrais conseils. Hein, et s'ils répondent quelque chose comme genre « Je suis prêt à essayer n'importe quoi que tu me dis », ben, tu as juste à leur donner un petit sourire, un petit peu de soutien, leur dire qu'ils vont trouver la solution par eux-mêmes à la place de vraiment te donner les conseils honnêtes que t'aurais donné à la personne Donc, en leur demandant, tu sais, ça va-tu? Est-ce que c'est sérieux pas mal ton problème? Ouais. Est-ce que, c'est ce qu'il faut que tu lui demandes. On change complètement de domaine avec un squeegee dans ta douche pour ne plus jamais avoir à laver ta douche. Ah. On parle de moisissure, de taches d'eau. Des fois, l'eau est ferreuse, ça devient rose un petit peu. Ça peut faire que ta douche ou ton bain a l'air vraiment sale, alors que dans le fond, c'est pas mal relativement propre. C'est juste que l'eau ferreuse ou le, tu sais, ça s'accumule assez facilement. Donc, tu pourrais frotter à chaque quelques semaines, chaque quelques jours, dépendant des gens. Mais sinon, tu pourrais aussi t'empêcher d'avoir à faire ça en utilisant un squeegee. Donc, c'est une vidéo de la chaîne YouTube Clean My Space, Melissa Maker, qui nous partage quelques trucs pour maintenir une salle de bain bien propre. Et une des choses à retenir, donc, c'est de garder un petit squeegee que tu as acheté au magasin à 1$ dans ta douche et l'utiliser pour enlever les résidus d'eau sur les tuiles et sur la vitre, ben oui, etc. À chaque utilisation, ça va enlever donc toutes les possibilités de moisissures et autres trucs qui demanderaient à être récurés de façon intense plus tard. Et tu finis ça avec un petit spray d'après-douche, ce que j'aime beaucoup, là. J'adore ce spray-là. Ouais. Et tu n'auras jamais à frotter ta douche en non, tant que telle. C'est vrai. C'est super pratique. Tu peux aussi utiliser un squeegee, nous dit-on, pour enlever les poils d'animaux sur les meubles et sur les tapis. Ah, ben oui. Did not know that. Et finalement, on va terminer avec celui-là, encore une fois dans la propreté, dans le ménage. Comment garder un appartement très petit, propre, avec un nettoyage de 5 minutes chaque matin? Oh! Oh, on aime ça. Quand tu vis dans un petit appartement, quand tu fais pas le ménage très souvent, ben, ça peut avoir l'air sale rapidement. Donc, la petite routine qu'on nous suggère ici, c'est Taryn Williford de chez Apartment Therapy qui nous recommande une petite session de 5 minutes de ramassage avant de partir le matin. Donc, tes matins sont déjà très occupés, mais tu te mets un minuteur de 5 minutes et tu fais tout ce que tu peux dans ce temps-là. Donc, ça va démarrer ta productivité pour la journée. Tu vas être vraiment primé, vraiment en forme. Et puis, tu vas pouvoir revenir à la maison avec un appartement propre. Et c'est le fun parce que si jamais, par hasard total, tu as invité quelqu'un chez toi, ouais, tu viens de rencontrer quelqu'un, « Hey, on va-tu faire quelque chose après chez vous? » Oups! J'ai pas fait mon ménage. Non. Tu pourras avoir l'air fou. C'est vrai. Donc voilà, un petit nettoyage de 5 minutes. C'est fantastique. J'ai d'autres conseils de ménage qu'on sera peut-être la prochaine fois dans les instructions d'assemblage, mais pour l'instant, c'est tout pour cette chronique-là. Les notes sont dans l'émission numéro 1170. Et c'est tout pour Assemblage Requis pour aujourd'hui. Le seul remerciement qu'on peut faire est à Alexander Brett. Exact. Pour sa chronique Le Monde ce matin. Lui qui s'en va pour toujours. C'est fini. Ben oui, merci. Il retourne dans son pays. En Grande-Bretagne, exactement, en Angleterre. Donc, ben, c'est pas mal ça. Sinon, demain à l'émission, mardi. Oui. Belle journée, mardi toujours. Hein? Tout à fait. On a toujours plein de chroniqueurs le mardi. Hein? On adore le mardi. Tellement. Tellement qu'on va avoir Justine Renaud, voilà, à 7h30 pour sa chronique Justine Pertine. À 8h30, Dominique Nodmavungu pour Voix d'Afrique. À 9h, Jimmy Thibodeau avec Les Gauches en Bévue. Et à 9h30, Marc-Olivier Dumas avec Sport et Filoché. Sur nos ondes, plus tard aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous prépare? Bien sûr, c'est Dans ta face. On va être en rediffusion à midi. Ensuite, rediffusion de rock classique. Et la seule émission en direct sera Rock de Neurone à partir de 20h. Sif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados-diffusions. Merci Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Et on se retrouve demain à 7h. Hey, bon café tout le monde. Bye! Bye. J'ai oublié ça, c'est full sexe, sans rien. J'avais oublié, c'est full sexe, Colin, que j'ai... C'est full sexe, oui. Vous êtes assez fou. 89.1.